11 novembre de l'année 2022, c'est la date où se déroule cet enregistrement. Donc ici, David au micro et vous pouvez voir à l'écran Berthold. Donc, salut Berthold, ça va bien? Oui. Excellent. Donc aujourd'hui, j'avais l'intention de démystifier en ta compagnie mon vécu à caractère paranormal. Donc au fil des années, j'ai vécu certaines expériences à caractère paranormal et je voulais aborder avec toi celles que je trouve les plus significatives pour avoir ton éclairage par rapport à la situation. J'ai vécu des contacts avec des entités, des perceptions psychiques aussi de problèmes de santé physique. J'ai connu des prédictions, j'ai dans le fond... connu aussi des gens qui ont fait de la voyance. J'ai vécu des expériences aussi liées à la télépathie. Donc, différentes expériences là, qui me sortent du quotidien que j'ai expérimenté. Et j'ai décidé de les aborder avec toi, étant donné qu'il est possible que présentement, il y a des gens qui nous écoutent, que je salue d'ailleurs, qui auraient vécu des expériences de nature similaire. Donc, en t'amenant à commenter des expériences que j'ai vécues dans l'optique d'aller chercher des pistes d'explication avec toi, eh bien, ça se peut qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent qui peuvent trouver ça intéressant, advenant qu'ils aient vécu des choses là, de la même nature. Donc, c'est ce que je vais aborder principalement avec toi là, dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui. C'est sûr que j'ai de la place aussi, là, naturellement, là, pour aborder aussi d'autres sujets là, avec toi, là, si tu le désires. Avant de commencer à proprement dit, je veux mentionner aux gens qui nous écoutent que donc Berthold a une chaîne sur YouTube où il effectue en solo et également en direct devant le public en prenant ses commentaires et questions des vidéos. Donc, vous allez avoir les coordonnées de sa chaîne de diffusion web en bas de l'enregistrement. Et puis aujourd'hui, plus particulièrement, je veux mentionner que sur le site web intelligencereellebdm.home.blog, dont vous allez avoir les coordonnées en bas de cet enregistrement, vous pouvez accéder gratuitement sur ce site web à une section qui s'intitule Transcription Berthold, comportant de nombreuses transcriptions des extraits de ces enregistrements live, soit en direct devant le public, également des transcriptions de ses prises de parole en solo, et aussi des e-books, comme disent certains Européens, donc des livres qui sont faits de transcriptions en format PDF que les gens peuvent avoir accès là, sur ce site web là, de manière totalement gratuite. Donc ça, c'est par rapport au site que s'occupe Issia Perrin, qui a fait des transcriptions des enregistrements de Berthold depuis plusieurs mois. Donc, au fil du temps, elle a fait un travail très grand, là, un travail de moine, que je salue d'ailleurs, là, si elle nous écoute, là, naturellement. Donc, pour les gens qui intéressent, qui trouvent intéressant le matériel de Berthold, c'est sûr qu'à mon avis, c'est un site web là, qui est incontournable à découvrir pour avoir accès à des transcriptions. C'est sûr qu'au fil des semaines, là, je vois que les transcriptions des enregistrements de Berthold en direct en a de plus en plus. Même chose pour en solo. Alors, c'est sûr que je suis curieux de voir là, si à un moment donné, là, elle va faire un e-book par rapport au meilleur moment des interactions de Berthold avec le public et aussi un autre qui pourrait être fait en lien avec les meilleurs extraits là, de ces enregistrements en solo. Donc, on va voir là, qu'est-ce qui va en venir là, dans le futur parce qu'elle avait pris de nos entretiens là, qu'on a fait ensemble là, pour faire deux livres, d'ailleurs, que vous pouvez également télécharger gratuitement. Qui sait, peut-être qu'il y en aura d'autres. Aussi, dans les annonces, je veux vous mentionner qu'il y a une personne qui s'occupe de la chaîne YouTube qui s'intitule Supramental Berthold qui va sélectionner et diffuser les meilleurs extraits de ses enregistrements en solo devant le public ou même d'entrevues avec moi. Donc, il y a plusieurs, présentement, là, centaines d'extraits qui s'y trouvent. Là, Donc, il fait également un travail colossal, dont vous allez avoir les coordonnées là en bas aussi de l'enregistrement. Donc, ce que je veux mentionner à Bertol, c'est que tranquillement, au fil des mois et des années, une équipe commence à t'entourer là, de gens en lien avec la diffusion de ton matériel, là. Comment tu trouves ça? Ben, c'est sûr que ça m'impressionne un peu, mais bon, ça fait spécial parce que dans la vie de tous les jours, je suis pas mal pas entouré, là. Pas tant que ça. Quoi qu'il en soit, là, c'est sûr que là, tu as des collaborateurs là, qui sont là quand même depuis plusieurs semaines. Donc, tranquillement, ben, c'est ça, ça se développe, là, la diffusion là, de ta parole de différentes façons. Naturellement, il y a ta chaîne aussi que j'ai mentionnée tantôt. Il y a moi aussi qui fais des entrevues avec toi depuis plus de 5 ans déjà. Et comme il y a plusieurs sources que je vois au fil du temps là, qui diffusent de ton matériel, et qu'il y a beaucoup d'enregistrements qui ont été faits aussi. Je pense que ça pourrait être intéressant si un jour, il y a peut-être une personne qui nous écoute, qui va être interpellée par cette proposition, qui sait. Donc, peut-être qu'il serait intéressant qu'à un moment donné, il y ait une personne qui soit une documentaliste qui s'occupe de l'ensemble de ton œuvre audio et également écrite. Étant donné que là, présentement, est éparpillé un petit peu partout. Là. Il y a plusieurs chaînes YouTube avec ton matériel, il y a également Yesia, où il y a des éléments sur son site. Supramental Bertol aussi un site web avec des commentaires que tu avais écrits en réponse à des gens là, en bas de vidéos de YouTube qu'ils avaient conservées. Donc, il y a beaucoup de matériel, mais qui est dispersé. Moi, de mon côté, j'ai une bibliothèque audio qui se rapporte à tes enregistrements, là, que ce soit avec moi ou en solo, qui, en date d'aujourd'hui, comporte plus de 550 enregistrements. Puis elle même pas complète, là. Il y en a d'autres aussi que Supramental Bertol A, que j'ai pas encore numérisé en MP3. Donc, il y a beaucoup de matériel. C'est difficile de faire le suivi. Moi-même, je suis rendu à un stade, parce qu'il y en a plusieurs centaines, que je sais plus c'est quoi que j'ai téléchargé ou pas téléchargé là, de mémoire, là, parce qu'à un moment donné, on peut pas tout mémoriser. C'est la chose pour laquelle, que s'il y a quelqu'un qui s'est interpellé par mon invitation, ben c'est sûr que la vision que j'avais, c'est que ça pourrait être intéressant qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de centraliser tout le matériel que tu fais là, au fil du temps. Un peu comme la personne qui avait pris en charge il y a quelques années l'œuvre de Bernard de Montréal, donc qui a initié le mouvement La conscience supramentale ici au Québec, en faisant un site web que d'ailleurs ça me fait plaisir de nommer, étant donné la qualité de son travail, étant www.diffusion-bdm-intel.com. Où vraiment tout le matériel y est regroupé, là. C'est-à-dire autant les enregistrements audio MP3, il y a une section, ensuite les vidéos, ensuite les livres de Bernard de Montréal, les transcriptions, tout y est bien fait. Et la vision que j'avais aujourd'hui en préparation de notre enregistrement, c'était de mentionner qu'il pourrait être intéressant que quelqu'un là, s'occupe de tout mettre ça en place, là, si quelqu'un en a à vibration, là, naturellement, là. Donc, ça, c'est le projet là, que j'avais en tête là, en lien avec tout ce que tu fais au fil du temps. D'autant plus que des fois, tu mets en ligne des vidéos, puis là, des fois, tu les retires. Fait que là, à un moment donné, ça devient difficile de faire le suivi. Moi, ouais, ben, les gens savent que moi, je le ferai pas. Dans le sens où je vais jamais classer ça. Là. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette invitation, d'autant plus que tu m'as déjà dit que tu conservais pas ton matériel. Ben non. Si jamais je me mets à donner de l'importance à ça, ça baisse en qualité ce que je fais. Donc, j'ai tout le temps pris ça avec un grain de sel. Oui, ben en fait, quand je fais cette invitation-là, c'est pas, dans le fond, prendre ça au sérieux, dans le sens de que des gens qui soient des disciples de ta personne ou qui en fassent une religion ou un culte, c'est plutôt dans le sens que si, par exemple, dans 10 ans ou dans 20 ans, quelqu'un serait intéressé à écouter ton matériel, qu'il soit quelque part sur Internet, un peu comme c'est le cas pour le matériel de Bernard de Montréal, là, présentement. Là. OK. C'est dans cet esprit-là que je le fais. Là. Je veux que les gens soient clairs. Là. Mon but, c'est pas de partir une religion avec Bertold ou avec Bernard de Montréal ou Marc de la Salle ou d'autres personnes là, que j'ai trouvées intéressantes. c'est plutôt de dire que ces gens-là ont développé un matériel intéressant et je pense qu'en termes d'héritage que tu peux léguer aux gens qui peuvent être en contact avec ça, ben, des fois, ça peut amener des prises de conscience, là, tout ce qui a été dit là, au fil des ans. Là, ouais. Donc ça, c'était la petite invitation que je voulais vous faire aujourd'hui, plus particulière. Sinon, ben, c'est sûr que naturellement, s'il y a des gens qui apprécient mes activités de diffusion web, parce que quand même, depuis un peu plus de 5 ans, j'ai produit au-dessus de 600 enregistrements. Donc, vous pouvez avoir accès là, dans mon audiothèque et vous allez avoir le lien web là, en bas de l'enregistrement aussi. C'est sûr que je comprends que ça fait beaucoup de liens web là, que je mentionne depuis tantôt en préambule de l'enregistrement, mais tout est là et depuis plusieurs années, je fais des enregistrements en grande quantité. Et s'il y en a qui aiment ça, eh bien, vous êtes les bienvenus là, naturellement pour m'apporter un soutien financier à mes activités de diffusion web là, via les services de paiement sécurisés que sont PayPal et également Interac. Donc, vous allez avoir toutes les infos en bas aussi. Les annonces sont faites de mon côté. Toi, est-ce que tu avais des annonces à faire avant qu'on débute à proprement dit? Ben non. Parfait. Donc, pour ce qui est du sujet que je voulais aborder avec toi dans le cadre de cette émission, c'était de démystifier donc le vécu paranormal. Il peut y avoir plusieurs personnes qui nous écoutent, qui ont vécu des expériences au fil du temps que la logique, l'intellect, la raison ne leur permet pas d'expliquer. Et ça peut être intéressant à ce moment-là d'en faire l'étude d'une autre perspective et de bénéficier d'un éclairage différent que celui que peut apporter les hommes de science conventionnels. Et aujourd'hui, ben c'est sûr que pour la première fois, je vais te dévoiler là, certaines expériences que j'ai vécues. Et je vais commencer tout de suite par parler d'une expérience particulière que j'ai connue il y a plusieurs années. Donc, j'avais vécu une discussion intra-psychique. À l'intérieur de moi-même, j'avais l'impression de parler avec une âme ou une entité qui voulait s'incarner par moi et devenir éventuellement mon enfant. Ouais, c'est quand même assez particulier. J'étais dans la trentaine, j'étais dans l'âge de... Bon, aujourd'hui encore, je suis dans l'âge de procréer, j'ai 41 ans puis je suis censé avoir bientôt un enfant. Et dans la conversation, c'est que l'âme voulait comme que j'aie un enfant pour qu'elle s'incarne à travers moi et devenir mon enfant éventuellement. Puis moi, ben là, je disais, ben non, je me sens pas prêt. Le timing, la période de temps n'est pas nécessairement idéale par rapport à ma compagne. Là, j'argumentais. Et la particulier, mon expérience, bon, les gens peuvent dire, ben là, c'est son imagination, il s'est imaginé des choses, mais la particularité, c'est que la soirée, après avoir vécu cette expérience-là pendant la journée, c'est que j'ai parlé avec un médium qui n'était pas au courant de cette conversation qui s'est passée à l'intérieur de moi-même. J'en ai pas parlé non plus à ma compagne. J'en ai parlé donc à personne. Puis lui, ce qu'il me dit, c'est que dans le fond, pendant la journée, j'avais parlé avec l'âme de mon enfant à naître. Et il m'a sorti ça comme ça spontanément, là, sans réfléchir. C'est comme s'il avait intercepté l'espèce de communication intra-psychique que j'avais connue pendant la journée. Ça m'avait surpris, cette expérience-là. Comment qu'il avait pu savoir que j'avais discuté là, comme ça à l'intérieur de moi-même. C'était de voir un petit peu par rapport à toi à l'égard de ce type d'expérience. Comment que tu pourrais expliquer ça? Ah, oh, ben, c'est le genre de choses que je cherche pas à expliquer. Parce que, bon, dans le fond, c'est des expériences personnelles. Fait que, je veux dire, puis j'ai jamais eu, donc j'ai jamais cherché à expliquer ça. Mais il reste que, bon, c'est intéressant. Parce que là, pour une fois, ben, quand un médium parle de ça, c'est pas parce qu'il l'a trouvé en fouillant dans les poubelles, là. Non, c'est ça. C'est parce que là, la particularité, c'est que je n'avais pas fait de capsule audio ni rien. Là. C'était juste à l'intérieur de moi-même. Pas parler avec ma compagne, ni des amis, ni personne. Il n'y a pas personne qui était au courant. Puis là, il me sort ça la même journée. Puis pour être honnête avec vous, c'est pas le genre de conversation intra-psychique que j'ai à tous les jours. Oui, c'est arrivé à quelques reprises, mais qui tombe pile sur la même journée où ce que c'est arrivé en début de journée. Au niveau des lois de la statistique ou des probabilités, j'évalue que c'est très peu probable. Là. Ben l'affaire, c'est que bon, ben, si le temps puis l'espace, c'est pas comme on le perçoit nécessairement, ben c'est possible, des fois, on peut discuter même avec des possibilités. Dans le sens que je vois pas, c'est le genre de manifestation que je considère pas comme une illusion nécessairement. Mais c'est que, bon, c'est comme l'entétisation, oui, on peut parler avec quelqu'un qui est pas encore là. Mais ça va être comme des représentations. Des fois, il y a des petits détails qui accrochent. Mais il reste que non, c'est valable pareil. L'affaire, c'est juste de ne pas accrocher à ça. Dans le sens de ne pas être impressionné. Je veux dire, il y en a, ils vivent une expérience comme ça, puis après ça, ils font du spiritisme. C'est surtout ça qui est dangereux, là. Mais à part ça, non, c'est intéressant. Ça donne une autre façon de voir le temps puis l'espace. Mais il y en a des fois, ils vont même avoir une conversation avec un autre eux-mêmes, mais dans un autre contexte. Comme il y en a, ils ont des souvenirs du futur, ça, ils appellent ça de la prémonition. Mais non, c'est juste que le temps puis l'espace, c'est pas nécessairement comme on le perçoit. Donc au-delà de ça, bon, ben, des fois, il y a comme des. Comment qu'on pourrait appeler. Ça ressemble un peu à des. Ça ressemble un peu à ce qu'on voit avec l'informatique des fois. Ou ce qu'on voyait là, dans le temps, la téléphonie. Des fois, il y a des connexions qui se font. Mais bon, expliquer des affaires de même, c'est le genre de choses que je cherche pas à m'expliquer vraiment. Je veux dire, dans le fond, c'est pas important là, qu'on l'explique ou pas. Ben, c'est parce que ça dépend, là. C'est-à-dire que moi, par rapport à cette expérience-là que j'ai vécue, l'information que ça me laisse entrevoir, c'est que l'âme ou les entités qui peuvent vouloir s'incarner, là, parce que je passe d'une perspective là, où l'incarnation peut exister, ça donne du crédit à ça. Ouais, ben, l'expérience qu'on a, elle va tout le temps aller dans le sens de certaines tendances qu'on a déjà. J'ai remarqué ça. Donc, oui, c'est un peu comme, bon, comment qu'il dit Moreau, il dit, il arrive à un homme ce qui ressemble. Donc, il y a un petit côté comme ça avec l'expérience. C'est un peu comme si on donne des formes à de l'énergie, mais on est en rapport avec l'énergie, puis pour pouvoir transiger puis être en rapport avec, c'est nous qui on fournit des formes. C'est particulier, là, c'est lié au particulier, donc ça influence l'événementiel, puis ce qui se passe. Oui, c'est sûr que par rapport à cette expérience-là, faut dire que ça remontait à quelques années, puis je donnais beaucoup d'importance à la croyance en la réincarnation. Fait que oui, cette théorie auquel je donnais de la valeur a pu contaminer ou teinter ma perception, mais il en demeure pas moins que si une autre personne que j'ai pas du tout, puis ne pouvait pas avoir accès à l'information, ait accès à la même information. Ben là, ça me donne l'idée qu'il y a quelque part, il y a une dimension au-delà de la dimension physique qu'on peut, comme un réseau qu'on peut se brancher pour accéder à la même information. Ouais, ben disons, ça fait des prédispositions. Je veux dire, si la personne est médium, c'est parce qu'elle est déjà un petit peu dans une optique comme ça. Fait que ça peut être un catalyseur, là, d'expérience. Puis même des choses qui sont sur le point de se produire semblent influencer. Dans le sens que, bon, on est influencé par ce qui se passe dans le passé puis dans le présent, mais il semblerait qu'il y a même des influences de choses qui sont sur le point de se produire, des fois. Donc, c'est un peu comme, on voit ça a l'air comme des alignements, là. Il y en a, ils vont appeler ça de la synchronicité, mais là, c'est un petit peu au-delà de ça, là. Mais après, c'est difficile de voir ça en dehors de l'expérience. Je veux dire. Surtout quand tu vis une expérience, ben là, la regarder objectivement, ça devient difficile parce que c'est un contexte. Mais des phénomènes comme ça, il y en a tout le temps. Je veux dire, même les gens athées ou qui croient en rien, ils vivent des expériences comme ça. Mais on dirait que les gens qui sont peut-être un petit peu moins rigides, là, ils vont avoir plus tendance à avoir des expériences comme ça. Mais j'ai remarqué. Les gens qui ont. Ça va aller selon les prédispositions des gens. Parce que, une expérience frappante comme ça chez quelqu'un qui serait totalement fermé à des affaires comme ça, je ne l'ai pas vu encore. Ou bien ça va être du monde de l'entourage. Mais il reste que. Ben non, c'est le genre de choses qu'on s'en sort pas parce que comment tu veux exercer un contrôle de tous les paramètres de l'expérience, ça devient difficile. Donc, c'est des choses qui ont le sens, ça a une fonction selon le sens qu'on leur donne. Mais il reste que je suis tout le temps prudent, là. Dans le sens, c'est difficile de savoir ce qui se passe vraiment. Parce qu'on est tellement limité. Exact. Mais oui, s'il y a des gens qui perçoivent des gens décédés, pourquoi il n'y en a pas qui percevraient des gens pas encore nés? Pourquoi pas? Il y a des cas, semble-t-il, de hantise par des vivants. Il y a de même des gens, ils se rendent compte eux-mêmes du futur. Donc, bon, ça prend des formes comme ça, mais dans le fond, c'est de l'énergie. On dirait que c'est au contact du psychisme du particulier que ça prend des formes. On donne vie à des choses, puis bon, ça crée un dynamisme. Mais c'est un peu comme Abraham Lincoln qui se voit mort. Qu'on rêve, ça peut être aussi ben, qu'on rêve. Pas vraiment un rêve, mais je veux dire, ça peut passer par un rêve. Mais il reste que là, c'est encore plus intense parce que c'est une expérience un peu. C'est quasiment proche du spiritisme, là. Un petit peu. Mais bon, c'est des phénomènes qu'il y a tout le temps eu, je veux dire. C'est pour ça que. Ça fait des millénaires qu'on compile des choses comme ça, puis il n'y a jamais personne qui a amené une explication totale. Non, c'est sûr. Je voulais à présent t'amener à commenter une autre expérience. En fait, pendant que je te parle, j'ai une note, là, j'ai une feuille avec des notes, des mots-clés, là, des différentes expériences, parce que j'en ai vécu une série en lien avec des perceptions psychiques de problèmes de santé physique à distance. Donc, suite au décès de Marc Delassalle, donc, qui était quelqu'un que j'ai interviewé là, pendant près de 9 ans pour parler de conscience supramentale sur YouTube, donc, il est mort. Lors de l'année 2020. Et quelques jours après son décès, là, naturellement, ça m'a amené à vivre beaucoup de tristesse. Et plus particulièrement, j'avais la zone droite de mon hémisphère cérébral qui était sous tension. Parce que ça m'a rendu très émotif, là, le décès, là. Puis bon, ça s'est comme logé là. J'avais une douleur physique qui était là, qui était palpable. Et par la suite, j'avais rencontré un médium donc en consultation. Mais c'était pas par rapport à ça. C'était pour regarder tout simplement mon état de santé globale au niveau énergétique. Puis dans le cadre de la consultation, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il passe en revue les différentes zones de mon corps. Donc, dans la médecine conventionnelle, on a un médecin qui va faire un bilan de santé où ce qu'il va palper de ses mains, par exemple, le ventre, voir s'il y a des tumeurs, des trucs comme ça. Tandis que lui, il me touchait pas physiquement, mais c'était au niveau psychique. Il passait en revue mes différents organes, que ce soit le cœur, les poumons, avec le pendule. Donc, il pratique entre autres la radiesthésie. Et lui, il passait en revue mes organes, puis moi, je n'ai pas parlé que Marc Dassault est décédé, un ami décédé, toutes ces choses-là. Donc, moi, je me présente là, je veux une consultation, je veux que tu passes en revue là, mes différentes zones de mon corps pour voir là, s'il y a des déséquilibres énergétiques. Donc, lui, il passe en revue, je donne aucun indice, puis tu sais, je me frottais pas non plus la tête là, sur le côté droit, là, tu sais, je laissais rien entrevoir. Et il m'a scanné psychiquement, puis là, ce qu'il me dit, c'est que la seule zone où ce qu'il perçoit un déséquilibre énergétique majeur, c'était l'hémisphère droit de mon cerveau, où ce que j'avais une douleur intense à la différence du reste de mon corps. Fait que là, il l'a perçu, sans que j'y ai parlé ou donné d'indice, dans le sens où je me grattais pas la tête du côté droit, ou tu sais, il n'y avait rien qui laissait présager ça. Donc, par rapport à ce type d'expérience où qu'on peut percevoir, par exemple, une douleur physique, au niveau d'une perception psychique, quel regard tu peux donner à ça? Ben là, C'est de la radiesthésie, souvent. Bon, il va avoir une mécanique, c'est lié à de la sympathie. Donc, il y en a qui sont très sensibles à ça, ou que ce soit des magnétiseurs, des fois, pas besoin que ce soit nécessairement un radiesthésiste, mais juste en se passant les mains sur une photo. Ils sentent à un moment donné, mais ça, j'en ai fait l'expérience avec quelqu'un qui avait une douleur à un genou. Puis je sentais un petit point chaud avec ma main. Puis finalement, ça a été confirmé par des radiographies. Il y avait un petit bout d'os dans le cartilage. Mais ça, c'est encore des choses que je cherche pas vraiment à m'expliquer. C'est des affaires de sympathie par rapport à des corps subtils. C'est retranscrit par le psychisme là, des opérants. Mais encore là, c'est des vieux phénomènes. Il y a les Quakers faisaient ça. Il faisait beaucoup d'affaires liées au magnétisme. Il faisait pas de radiesthésie, là. Mais il y avait une autre gang, là, les Shakers, qui imposaient beaucoup les mains. Mais c'est des choses, ça fait longtemps que c'est issu, mais c'est lié à la sensibilité, là, des gens. Mais encore là, j'ai jamais cherché d'explication, ni pour confirmer, ni pour infirmer. C'est juste des. Mais ça, c'est peut-être pour l'avoir expérimenté, là. D'avoir connu des gens qui s'intéressaient à ça. Mais encore là, moi, je trouve que c'est des choses assez. C'est assez banal, pareil. Ben, le monde, c'est sûr, ça peut être impressionnant, mais c'est spécial. Mais par rapport là, à Marc de la Salle, dans la consultation, il y a ce qui était question de ça. Ben, c'est-à-dire que, dans le fond, après qu'il ait scanné là, la zone du cerveau qui me faisait mal, puis là, il percevait un déséquilibre énergétique majeur à différentes de mes zones, autres zones du corps, là, j'ai expliqué que j'avais un ami qui était décédé, puis j'avais une douleur. Je l'ai dévoilé là, par la suite là, par rapport à ça. Puis bon, dans les jours qui ont suivi, ça s'est placé, c'est-à-dire j'ai vécu mon deuil, puis c'est comme si la zone de mon cerveau droit s'est rééquilibrée. Puis ce que je peux dire de particulier par rapport à Marc de la Salle, vu que je l'ai interviewé sur plusieurs années, c'est que quand que je vivais des états de transe avec lui, ben, je faisais des entrevues, puis des fois il visait à m'amener à parler d'une manière vibratoire, là, parler sur le contact. C'était surtout la zone droite de mon cerveau qui était active, plus particulièrement au niveau de la réception intuitive par rapport à la nature des activités avec lui, puis. Dans le fond, j'avais l'impression aussi qu'au fil du temps, c'était comme développer une liaison psychique entre moi et lui, là, par rapport à la nature du travail qu'on a fait ensemble sur plusieurs années de diffusion web. Et la raison aussi, c'est comme si le lien qu'on avait entre les deux sur le plan psychique, énergétique, vibratoire, à cause qu'il était dessous, qu'il était décédé, c'est comme dissous, c'est comme défait. Puis là, ça a comme créé une espèce de vide, j'ai l'impression, puis. Là, il fallait que j'accepte que j'en referai plus d'entrevue avec lui, là, en tout cas sur le plan physique, là. Parce que dans le fond, c'est comme de la somatisation, on dirait un peu. Parce que bon, le cerveau en lui-même, ça souffre pas ça. Je veux dire, même une céphalée, c'est pas le cerveau qui. C'est des. Ce qui arrive, c'est au niveau vasculaire, autour du crâne, puis les nerfs, puis c'est là qu'il va y avoir des douleurs, là, comme les migraines. Donc, ça peut être un stress, là, un peu comme si tu avais somatisé ton deuil. C'est ce que j'ai l'impression. C'est ça, là. C'est un peu comme un symptôme, mais ça sert à canaliser une tension. Mais possiblement parce que t'avais pas, c'était pas prêt à s'écouler autrement. Mais c'est ça, souvent, c'est un peu comme. C'est quelque chose que je regarde là, chez les gens. Ceux sont portés à faire des migraines. Puis, souvent, ça a une signification. Ça arrive à des moments. Bon, ben, c'est comme la migraine, moi, j'ai tout le temps considéré ça comme psychosomatique. Tandis qu'il y en a, ils considèrent que c'est lié au vasculaire. C'est oui, mais la tension vasculaire est causée par d'autres facteurs. Ça fait partie des maladies qui ont une signification, on dirait. Ben, des maladies même, je dis ça entre guillemets, là, c'est Des pas problèmes de vraiment santé, là. moi. Voyons. Mais c'est ça, on a tout, ça va s'exprimer différemment là, pour chaque personne. Il y en a, bon, c'est ce qu'on appelait les caractères dans le temps. Donc, quelqu'un qui est plus cardiaque, qui est plus, bon, ça peut être des migraines, des choses comme ça. Mais non, mais d'une certaine façon, est-ce qu'il y a du paranormal là-dedans? C'est de la, on pourrait dire du parapsychologique, dans le sens que l'effet du psychique sur le reste, là. Mais je sais pas, mais t'as l'air d'aller voir beaucoup des médias. Mais en lien avec ces expériences-là, oui, mais je ne vois pas à tous les jours, là. Ben non. Il y a des choses que j'ai étudiées par moi-même, là. Puis des fois, c'est parce que j'aime avoir une autre perspective sur des choses que je vis ou des explications commentaires, là, c'est pas, complémentaires, là, c'est pour ça, là. Parce que des fois, c'est un peu comme des maux de ventre avant un examen, là. C'est normal jusqu'à un certain point. Puis même les gros deuils, bon, ça peut arriver, là. Mais dans le fond, c'est comme c'est ça, c'est comme une somatisation, on dirait. Là, je dis ça parce que c'est ça qui a l'air le plus plausible, mais c'est peut-être pas ça. Non, mais je trouve l'hypothèse de la somatisation là, ouais, très pertinente. Mais la spécificité, parce que j'ai eu d'autres deuils de gens, là, que ce soit des amis, des membres de la famille qui sont morts, que ça n'a pas été vécu comme ça. C'est-à-dire que, bon, quand mon père est décédé, là, c'était plus une libération émotionnelle globale, là, c'était pas lié à une zone spécifique, tandis que lui, compte tenu de la nature du travail que j'ai fait, parce qu'il me gardait beaucoup actif au niveau du cerveau droit, la dimension plus intuitive de mon être auquel il me ramenait à travers la nature de mes échanges, c'est comme si, dans le fond, le lieu spécifique, énergétique, où il y avait comme une connexion entre moi et lui, ça passait beaucoup par le cerveau droit. C'est la zone qui a été impactée là, suite au décès, là. Moi, ben, c'est ça. On dirait que c'est lié justement, bon, le côté, la signification. Ben, c'est comme l'idée que, bon, le cerveau droit serait plus créatif, puis gauche serait plus rationnel. Bon, des effets comme ça, je pense, on dirait que ça dépend tout le temps de ce que la personne en pense. C'est-à-dire, ça se manifeste comme ça, puis bon, OK, mais... Personnellement, comme c'est l'affaire de localiser comme ça, là, la créativité versus le rationnel, puis ça, j'y ai jamais cru. OK. Fait que possiblement que dans la même situation, ça se serait manifesté autrement pour s'adapter. Bien, c'est sûr que pour être honnête avec toi, avant qu'arrive cet événement-là, cette croyance-là, à l'effet que le cerveau droit était plus le côté intuitif, je l'avais. C'est sûr que je l'avais. Fait que c'est sûr que ça peut induire ou orienter l'énergie à quelque part dans un sens, là. Donc, ça va tout le temps. L'expérience par rapport au psychisme, à des structures plus impersonnelles, ça va tout le temps s'adapter à chaque personne, à chaque. C'est pour ça que j'ai jamais eu d'idée fixe sur ces choses-là. Comme quelqu'un qui va être bon, qui va avoir eu des intérêts pour l'animisme, des choses comme ça, il va plus vivre des expériences un peu chamaniques. Tandis que. Bon, quelqu'un qui est plus spirituel, puis admettons qu'il y a des expériences inquiétantes par rapport à ce qu'on pourrait appeler de l'entitisation. Quelqu'un de très spirituel, il va voir des entités, il va voir des. Tandis que quelqu'un qui est plus rationnel, ou qui est plus, qui a plus une culture générale comme liée à la science-fiction, des choses comme ça, là, il peut avoir des expériences style ufologique. Ça va tout le temps s'adapter. Ça s'adapte à l'individu. Puis quelque part, l'adaptation, bon, c'est un petit peu comme si ces phénomènes, il y a une partie des phénomènes psychiques qui vont se camoufler. Ça va tout le temps servir, ça sort de la personnalité du particulier. Ça prend des formes comme ça. Mais c'est à se demander, je veux dire, des êtres qui n'auraient aucune idée préconçue de ces choses-là, puis qui n'auraient aucune culture par rapport à ces choses-là, il y aurait des expériences pareilles.

Là, tout d'un coup, ça vient, c'est d'autres phénomènes. Mais on est dupe de nous-mêmes, dans le sens qu'on a des capacités, mais c'est pas conscient. On interprète. Puis, vu qu'on interprète subjectivement ce qui se passe, ça influence ce qui se passe. Plus que, dans le fond, on est influencé à notre insu, puis on influence à notre insu. Puis tous ces phénomènes-là, c'est pour ça qu'il y a une vague de... C'est tellement large comme l'éventail d'expériences différentes. Mais ça se ressemble toutes. Oui, exactement. Là, je voulais t'amener à commenter une autre expérience. Donc, il y a plusieurs années, j'étais malade. Je présentais des symptômes grippaux. Je toussais, je mouchais à répétition. Et j'étais sorti, à ce moment-là, je vivais avec ma mère, là, et j'étais sorti de chez moi. Et tout d'un coup, j'étais avec des personnes, là, bon, c'était dans l'air, là, pré-2020, là, avec la pandémie, là. Donc, j'étais avec des personnes, j'avais des symptômes grippaux, puis tout d'un coup, oh, je me sens aller mieux. Donc, tout d'un coup, les symptômes diminuent, puis il y a comme une énergie qui passe, que je ressens. Puis, ce qui est particulier, c'est que par la suite, je parle avec ma mère et elle, simultanément, son état s'est dégradé. C'est comme si elle avait pris à distance mon mal, puis elle manifestait les types de symptômes grippaux que j'avais, puis les miens ont diminué, puis elle a connu des manifestations. C'est comme s'il y a eu un transfert de mon problème de santé à distance. Puis, en tant que mère, parce qu'elle est très empathique par rapport à moi, bon, tu sais, j'ai été dans son ventre là, pendant 9 mois, tu sais, il y a comme une connexion psychique très forte entre moi et elle, vu que je suis son enfant. Puis, on s'est parlé, là, j'étais parti d'une soirée avec des amis, ensuite je suis revenu, elle, son état se détériore, puis moi, je suis curieux, vers telle heure, mon état s'est mis à s'améliorer, puis, mettons, c'était 8 heures le soir, puis vers 8 heures, elle, son état s'est mis à se détériorer. Il y a comme une espèce de synchronisme qui s'est opéré. Donc, selon toi, est-ce que c'est possible qu'une personne à distance peut prendre le mal sur ses épaules ou le problème de santé avec une grande dose d'empathie par rapport à un autre? Ben oui. Ben, c'est des phénomènes assez. Je veux dire, c'est pas étudié officiellement, mais ça fait des siècles que c'est connu, des phénomènes comme ça. Ben oui, c'est comme un collège énergétique, plusieurs personnes. Il y a des transferts des fois. Mais on le voit avec des gens qui font de la prière en groupe. Des fois, il y en a un, je pense, c'est un journaliste qui s'est intéressé à des cercles de prière, puis il disait à un moment donné, j'ai vécu une période d'euphorie, je pense qu'il attendait l'autobus, quelque chose comme ça, puis tout d'un coup, il est devenu euphorique. C'était comme si on m'avait injecté de la drogue. Mais le groupe qui étudiait à ce moment précis-là, il était réuni, puis il priait pour lui. Puis c'est par après, là, qu'il l'a su, parce qu'il n'avait jamais vécu ça avant. Des expériences comme ça. Donc, oui, puis il y a peut-être plus de liens qu'on pense avec la chimie, l'influence sur la chimie dans le corps. Puis, ben oui, moi, ça me paraît parfaitement plausible, même si c'est encore des phénomènes, c'est comme paranormal parce qu'on ne l'explique pas encore. Mais dans le fond, c'est banal. Je veux dire, on a tous vécu des choses un petit peu comme ça. Mais c'est un petit peu comme même les parents, là, ils vivent des expériences comme ça. Ben, des fois, c'est juste de savoir que ton enfant est en danger. Tu le sais, tu sais. Là, tu vérifies, puis comme de fait. Bon, il y a du monde ici. Mais oui, c'est ça, c'est carrément des phénomènes liés à l'âme, là. Moi, je le vois comme ça, puis ça influence les systèmes nerveux, puis. Donc, oui. Bon, on voit ça chez les saints qui faisaient des guérisons. Des fois, après, ben, on dirait qu'ils prennent le mal sur eux. Ils viennent à bout de le convertir, comme de le défaire. Mais il reste que. Des fois, c'est surprenant, là, les témoignages. C'est un peu, je pense, c'est Padre Pio qui se rendait malade à soigner des gens. Mais ça doit être. C'est des gens qui ont une capacité, là. Je veux dire, C'est un peu comme une colonie de fourmis, chacun sa fonction. Il y en a qui ont la capacité de sublimer. Donc, des fois, ils vont prendre le mal des autres sur eux. Mais là, d'un autre côté, les mots que les autres ont, c'est lié des fois à une fonction. Donc, ça arrivait. Des fois, ils veulent guérir quelqu'un, puis ça ne marche pas. Mais là, c'est parce que la personne, c'est peut-être important qu'elle le vive. Oui, elle a Mais peut-être quelque chose à apprendre de la maladie pour évoluer et que, par exemple, son ego soit un peu plus ajusté. ben oui, ben, s'il y a un conflit d'intérêt entre ce que la personne a intégré à travers ça, puis la volonté d'un opérateur qui veut guérir, puis qui se rend pas compte que peut-être que c'est pas ce qui est le plus ajusté, ben, c'est la cause la plus forte qui l'emporte, on dirait. Donc, des fois, on veut faire du bien, puis ça marche pas. Puis on comprend pas. Mais des fois, c'est mieux comme ça. Mais il y a des gens comme ça qui se rendent malades, ils prennent le mal des autres. Je pense que c'est Moreau, à un moment donné, qui rapportait une femme qui se donnait beaucoup dans le domaine de la santé, puis à soigner, puis à soigner les autres, ce qu'on pourrait appeler carrément une sainte. Mais le problème, c'est parce que les saints, les vrais saints, ils ont la capacité de prendre ça sur eux. C'est comme si c'était, ça faisait partie de leur fonction. Mais lui, il parlait de cette femme-là, il dit que sa peau était morte. C'est comme si la charge de tout ce qu'elle avait pris sur elle avait tué sa peau. Donc là, ça devient plus inquiétant, là. Il y a du monde, ils veulent. Ils ont des troubles psychologiques. Des problèmes d'estime de soi qui datent de l'enfance, puis ils peuvent juste exister et être valables à leurs propres yeux en se sacrifiant pour les autres. Là, ça devient malsain, là. Oui, si la Donc, personne cherche à être vue et reconnue dans un rôle de service spirituel, là. ben même pas, des fois, même pas vu ni reconnu. C'est, ils le font parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Puis ça n'a même pas rapport avec le regard des autres. C'est vraiment lié à quelque chose d'inconscient par rapport à leur propre regard. Puis, bon, mais finalement, c'est un peu comme de la drogue, là. C'est-à-dire, la personne a fait ça, ça va l'aider à évacuer de l'angoisse puis un mal-être. Elle se sent utile, elle se sent. Bon. Mais il reste que si c'est ça, à s'identifier à des pensées, c'est ça, s'identifier à une fonction, c'est ça. Ben, pas avoir d'identité, dans le fond. Parce que du monde qui se rend malade à aider les autres, j'en ai vu. Puis souvent, c'est du monde qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, tout simplement. Mais ça, il y a des prédispositions à être malade. Il y a du monde, des fois, ça a une fonction psychologique, la maladie, souvent. C'est un peu comme, comment qu'elle s'appelle, Jeannette Bertrand, elle parlait que sa mère était tout le temps malade. Puis à un moment donné, elle avait dit en entrevue, elle a dit, ma mère, c'est une femme qui avait choisi d'être malade, mais c'était pas un choix conscient. Mais dans le fond, elle était pas proche de ses enfants, puis ça y tentait pas d'être une femme mariée, puis ça y tentait pas d'avoir une famille, puis fait qu'elle était malade toute sa vie. Donc, la maladie lui donnait des bénéfices secondaires pour légitimer une position, là, que ça soit socialement acceptable à ses yeux. C'est ça. Puis, elle dit, je me souviens à un moment donné, je pense qu'elle avait la tuberculose. Puis elle dit, elle avait mangé une poire qu'elle avait épluchée, puis elle toussait sur les pleurs. Puis elle dit, je la visitais à l'hôpital, puis sans m'en rendre compte, je me suis mis à manger les pleurs. Puis plus tard, elle dit, je me suis rendu compte que c'est comme si j'avais voulu accompagner ma mère dans sa maladie. Puis finalement, c'est une. Si on regarde Jeannette Bertrand psychologiquement, c'est une femme qui va avoir passé une partie de sa vie à déconstruire la famille. Fait que c'est comme un conflit qui est passé d'une génération à l'autre. Donc, quelque part, c'est pour ça, c'est des jeux de transfert, on dirait, mais c'est lié au psycho-affectif aussi. Donc, moi, je trouve ça plausible, là, ce que tu dis, là, que ta mère, elle peut être tombée malade comme. T'allais mieux. Ben c'est ça, La c'est même comme chose. si elle prenait le relais. C'est comme si on transférait une information à distance. Si on aurait parlé, par exemple, de transférer d'une information d'un cellulaire à l'autre. à travers les ondes, tous les gens ont dit, ben là, c'est normal, hein, c'est comme on transfère un texto. Mais là, quand on parle de transfert d'un individu à l'autre en lien avec un problème de santé, ben là, quand que je parle de ça à des gens, ben là, c'est comme, ah, ben là, c'est bizarre ton truc, là, ouais. Pourtant, non. Je veux dire, c'est quand Mais toi, tu es même. ouvert d'esprit, c'est pour ça que je t'en parle. C'est ça, je ne Ben, c'est parlerai parce pas que ça fait nécessairement de des ça à années. tout le monde, là, ouais. Ben, même étant bien, bien jeune, j'en remarquais des phénomènes un peu comme ça. Donc, je me souviens, une vieille dame, elle avait une chatte, puis là, la vieille dame, elle avait fait une infection urinaire, puis la chatte avait fait une infection urinaire. Puis ça m'avait frappé. J'avais dit, c'est donc, c'est parce que c'était un lien très fort qui unissait cette dame-là à sa chatte. Puis là, la bonne femme fait une infection urinaire, fait que là, elle se ramasse à l'hôpital, la chatte est toute seule, elle est stressée. Qu'est-ce qui se passe? La chatte développe une infection urinaire. C'est spécial, là. Mais c'est. Je veux dire, c'est pas. C'est pas la bactérie qui avait infecté la dame qui a infecté le chat, là. Parce que c'est pas le même type de bactéries qui font les infections urinaires des humains, des chats, puis. Fait qu'il y a vraiment eu une sympathie. Il y a vraiment eu quelque chose. Donc, des fois, c'est des choses que je regarde des fois. Quand je vois des enfants malades chroniques, par exemple, je vais observer la dynamique des parents, le lien familial. Je vais tout le temps me demander est-ce que c'est une activité de compensation que l'enfant a d'être malade? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ailleurs. C'est pas de culpabiliser les gens. Mais des fois, il y a des causes profondes là, qui sont psychologiques. Mais même, c'est plus que psychologique parce que c'est même pas conscient. Des causes psychiques. Parce que dans le fond, c'est au-delà là, du psychologique. Moi, je vois rien d'anormal là-dedans. Même jusqu'à un certain point, c'est un peu là, comme. Dans certains coins de pays, là, il y a des superstitions. Ils vont mettre certains objets sous le matelas des malades. Puis ça a un effet. Mais là, c'est l'effet de l'intention. C'est un paquet de choses. C'est pour ça que j'ai jamais rejeté totalement certaines pratiques. Je veux dire, ça sert de support. Donc, c'est comme quelqu'un qui se frotte avec un talisman, puis ça marche. Oui, c'est de la superstition. Oui, ça n'a pas d'allure, mais ça marche. Donc, c'est quoi, là? C'est comme un support pour de la. Tu sais, je veux dire, dans le fond, c'est le résultat qui compte. Ben, c'est ça. Si la personne croit que c'est opérationnel, ne serait-ce qu'au niveau de l'effet placebo, ça peut donner un résultat au même titre que la personne qui croit que des pilules, même s'il n'y a pas d'agent actif dedans, lui donnent un résultat. Ben oui. Ben, c'est une fois, j'avais eu un mot de tête assez. C'était intense, là, au point où je pouvais pas tolérer la lumière. Puis à un moment donné, je m'étais dit, ben, je pourrais faire comme ils font en Papouasie. Puis dans le temps, j'avais ma maison avec une forêt. Je pourrais frotter un œuf sur ma tête puis lancer l'œuf dans le bois. Puis ça m'avait juste traversé l'idée, parce que je crois pas, là, à un niveau mécanique, à une efficacité de choses comme ça. Je vais constater une efficacité par rapport à d'autres structures là, plus floues, là. Puis finalement, je ne l'ai pas faite. Mais ça m'avait passé par la tête. Je m'étais dit, d'un coup, ça marche. Mais là, tu sais, je veux dire, c'est des choses, là, tu sais, il faut en prendre en laisser. Si c'est rendu que la personne est rendue dans des affaires de chamanisme à pu finir, puis de retraite spirituelle, puis elle est tout le temps en voyage, puis elle est tout le temps rendue en Amérique du Sud, puis elle court les marabouts, puis là, c'est rendu trop, là. Il y en a qui vont. Ils se font happer, hein. Ben, le fait que ça fonctionne, puis que c'est des fois, les gens se font happer, puis là, ça devient une dépendance. Faut pas non plus. Bon. Comme j'ai vu ça, là, dans une ville où j'habitais, il y en a, ils donnaient des soins énergétiques. C'était une boutique qui avait des cossins nouvel âge. Puis il y avait des soins énergétiques. Puis je regardais la clientèle. Ben, la clientèle, c'était toutes des vieilles dames enflées par des traitements de chimio. Des choses comme ça. Puis je regardais ça, je me disais, c'est spécial qu'ils viennent ici. Parce que C'était un peu comme quand tu parlais, comme tu avais eu un trouble de santé, puis là tu vas voir un médium pour qu'il regarde tes spéciales. Si j'aurais pas ce réflexe-là, là, d'aller voir un médium pour des troubles de santé. Puis je regardais aussi ces dames-là qui venaient à cette boutique-là, puis ils étaient clairement malades, là. Je regardais les teints, puis je me disais, bon, mais ça doit servir. Mais il me semble que c'est pas ajusté tant que ça, là. Ben, c'est parce que ça dépend quoi. Il y a des nuances aussi, là. Tu sais, quand que tantôt je parlais que j'ai consulté un médium, c'est que des fois je vais m'intéresser à la médecine conventionnelle, puis en complémentarité, je vais m'intéresser à la médecine entre guillemets parallèle. Donc, c'est ça que je voulais dire, puis je ne mets pas nécessairement tous mes espoirs là, naturellement en médium. Je prends en considération la perspective de l'autre, mais ultimement, c'est moi qui évalue les choses là, en bout de piste, là, dans le sens que. Bon, parce que j'ai vu des affaires, c'est spécial, là. Tu sais, qui existent, là, comme j'avais vu une chaise. C'est un magasin-là que je te parle, il y avait une pièce dans le fond, puis à un moment donné, l'espèce de tu sais, des rideaux de des rideaux de perles, là. Ben, tu vois l'ambiance un peu de la place. C'était ouvert, puis là, je voyais dans le fond, puis là, il y avait une chaise avec des lumières. Tu sais, qu'il y a des lumières aux couleurs des chakras, là. Puis c'était comme sur des tiges, puis probablement, lui, il faisait asseoir le monde là-dedans, puis il leur mettait les lumières alignées. Puis il faisait ça pour réaligner, je sais pas quoi, puis tout. Peut-être les chakras. Ouais. Puis là, je regarde ça, puis ça a l'air de valoir cher, cette chaise-là, là. Ça doit être des affaires qui coûtent 10-15 000 piastres. C'était comme une chaise de dentiste, là. C'était très élaboré. Puis je regardais ça, puis je me disais, il y a du monde qui paye pour ça. Tu sais, j'ai un côté de même, là. Je trouve ça un petit peu trop, là. Un petit peu trop. Puis c'était un peu comme aussi les médecines alternatives. C'est pour ça de. Tu sais, j'en prends, puis j'en laisse, là. Parce qu'il y a eu tellement d'affaires, il y a eu tellement de. Puis je regardais ça, puis je me disais, bon, les madames, là, malades qui vont aller se faire aligner les chakras sur cette chaise-là, ça leur coûte combien de l'heure? Puis je sais pas. Il y a un petit côté de même que j'aime moins. Que C'est j'aime sûr qu'il y a moins. des risques d'exploitation, mais en même temps, des fois, comme je le mentionnais tantôt, si la médecine officielle dit, écoutez, madame, on ne peut plus rien faire pour vous, ben, à un moment donné, il arrive un point où que la personne, ça se peut qu'elle n'ait plus rien à perdre, puis là, elle se tourne vers d'autres choses. C'est sûr qu'elle est en position de vulnérabilité, puis des fois, ça peut ouvrir la porte à des abus, mais en même temps, il y a des gens qui peuvent vouloir dire, ben là, moi, tant qu'à me faire dire que la médecine officielle, ils peuvent plus rien faire avec moi, ben je vais tenter le tout pour le tout, tu sais. Ben oui. Mais les gens que j'ai vu le plus courir des choses comme ça, c'est pas du monde qui avait des gros, gros problèmes de santé. C'était un petit peu comme si ça les rassurait. Puis ils ont une fonction des fois juste psychologique. Mais ils risquent, bon, c'est comme j'en connais une dame, elle est au courant de toutes les affaires d'une médecine parallèle. Elle connaît tout ça, les affaires alternatives. Mais c'est pas quelqu'un de malade. Je veux dire, j'ai jamais compris, tu sais, cet attrait-là. Je veux dire, la personne n'est pas malade. Mais il peut y avoir plusieurs raisons. Peut-être qu'elle vit de l'anxiété, puis elle a peur d'être malade, puis elle voulait être prête à faire face à la situation en connaissant les ressources. Ben oui, ben là, c'est parce que c'est là qu'on voit à quel point qu'on est divisé, puis que c'est pas objectif. Parce que si c'est pour des raisons psychologiques qu'on va vers de la santé, du physique, ça veut dire que on voit pas ce qu'on fait, là. Donc, c'est pour se rassurer. Puis, il y a des fois des tendances à être hypochondriaque ou à psychosomatiser des choses. Donc, à maux d'esprit, remède d'esprit, c'est sûr que des fois, bon, la personne en va avoir une maladie qui est liée à un processus psychique. Ça va sortir en maladie. Après, la personne va aller dans une médecine alternative qui sert de support pour fixer une volonté. Puis ça marche. Ben oui, ça marche. Je veux dire, les maux d'esprit, les remèdes d'esprit fonctionnent. Oui, non, je comprends, Tiens. ça se neutralise, là, tu sais. Ben oui. Mais là, si la personne a fait ça toute sa vie sans s'en rendre compte, que dans le fond, c'est des jeux de. c'est psychosomatique un petit peu, puis c'est des jeux de transfert, puis c'est là, que je trouve que ça devient inquiétant parce que ça devient un marché. Puis là, moi, ben franchement, quand je vois ça, des boutiques, là, soins énergétiques, il y a tout le temps un Bouddha dans la fenêtre, là. Tu rentres là-dedans, là, ça sent la sauge. L'encens, Puis, ouais. ouais, ça, j'aime pas ça. Ça, j'aime pas ça. J'ai bien de la misère avec ça. Dans le fond, c'est pas du monde malhonnête. Ils savent, oui, qu'il y a un effet. Mais ils savent aussi que c'est pas nécessairement celui qui dit ce qu'il y a, mais que ça peut être lié à des causes plus subtiles liées au psychisme des consultants. Mais ça, ils n'en parlent pas trop. Parce que c'est une business, puis le but, c'est de faire de l'argent, puis de rester ouvert, puis que ça soit rentable. Mais il reste que quelque part là-dedans, tu sais, c'est un peu comme être un vendeur de chars usagés, et tu le fais pas pour fourrer le monde, mais si tu es un bon vendeur de chars usagés, puis que tu veux rester ouvert, puis être rentable, il faut que tu aies un petit peu que tu fasses de l'argent pareil. C'est ça que j'aime pas. Ça, j'aime pas ça. C'est comme tout qui est sorti là, dans les dernières années. Je vois pas ça comme mauvais, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça vient avec une ambiance, un état d'esprit. Puis c'est pas objectif, là. À un moment donné, là, vraiment, on le sent, là. C'est comme, t'sais, les places qui vendent des produits naturels, là, souvent, les dames qui tiennent ça sont un petit peu, sont comme, c'est pas comme s'ils prenaient de la drogue, mais dans le fond, c'est comme s'ils en prenaient. Parce que des fois, ils sont dans un état d'esprit, tu le vois que c'est altéré. C'est un peu comme Bernard là, qui allait s'acheter des produits naturels, puis là, la madame là-bas avait une bonne journée magique. On souhaite une belle journée magique. Oui, il racontait cette anecdote-là dans ses enregistrements, là, ouais. Ben, c'est ça. Cet état d'esprit-là, c'est de la compensation, je veux dire. Souvent, le monde qui va s'intéresser à ces affaires-là, il y a un mal-être. À la base, il y a un lourd vécu, des fois c'est des affaires dans l'enfance, des fois c'est toutes sortes de choses. Puis ils vont tomber dans cette espèce de monde parallèle-là qui est euphorisant. Le bien-être, ce que le monde y appelle le bien-être, puis les affaires alternatives, puis finalement, bon, ben ça, c'est ça qui mène leur vie. Tu sais. Moi, je pense pas que quelqu'un consciemment qui verrait aller ça clairement comme c'est va s'enligner dans des choses comme ça. La personne est amenée à s'intéresser à ces choses-là à cause de son vécu. Donc, non, je vois ça un petit peu comme ce qu'on appelait là, dans le fond, de l'astral. C'est pas que ça nuit tant que ça, c'est pas que ça. Mais c'est parce que. C'est faire attention. Oui, certainement. Ensuite, je voulais te parler d'une autre expérience. Plus en lien que la télépathie, en fait, il y a plusieurs années, je m'étais dit que j'allais téléphoner à un ami que j'ai, qui est médium. Je m'étais dit intérieurement, oh, je vais l'appeler à soir vers 19 h, donc 9 h du soir. Et puis, à un moment donné, le temps passe. Ah, il est rendu 7 h 10, 19 h 10. Puis là, l'idée de téléphoner ressurgit dans ma conscience avec une forme d'intensité. Puis là, c'est un petit peu comme quelqu'un qui est en retard pour aller au travail ou quelque chose d'important. J'ai comme un sursaut assez intense parce que j'avais oublié de faire ce que je m'étais dit que j'allais faire. Et au même moment, cet ami qui est médium, il me téléphone, puis il dit, c'est drôle, j'ai eu la pensée de toi qui a surgi tout d'un coup avec une grande intensité, puis il fallait qu'on se parle. Puis moi, de mon côté, c'était la même chose. Il m'a appelé au même moment. Et la particularité de l'expérience, c'est qu'habituellement, le soir, on ne s'appelle pas à 19 h ou à un horaire régulier, là. Tu sais, c'est vraiment très rare. À différence de d'autres personnes dans ma vie, tu sais, comme ma mère, ma compagne, souvent au fil des ans, je les appelais à intervalles réguliers, puis il y a une capacité d'anticipation. Mais là, ce phénomène-là est arrivé, puis c'était comme très, très intense. Puis la raison pour laquelle j'en parle, ben, c'est qu'il y a sans doute beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui ont déjà pensé à quelqu'un, puis la personne les appelle au bon moment ou des choses comme ça. Et donc, c'est pour ça que je voulais avoir ton éclairage là, par rapport à cette expérience. Ouais. On baigne tout hein, c'est comme si on était tous dans la même eau. Puis qu'il y a y a toutes sortes de choses qui se promènent dans l'eau. Je le vois comme ça, là, le psychisme, dans le fond. c'est, je veux dire, des phénomènes comme ça, c'est normal aussi que ça soit lié au téléphone, parce que le téléphone, c'est un moyen de communication. Donc, ça vient compenser une télépathie en même temps que la télépathie peut compenser le moyen de communication quand il ne fonctionne pas. Mais c'est des vieilles mécaniques anciennes. Ben moi, j'avais remarqué ça dans les années 80, qu'il y avait beaucoup de phénomènes télépathiques liés au téléphone. Du monde qui répondait au téléphone dira, ah, c'est drôle, je pensais à toi. Justement. Je trouve que le phénomène s'est atténué un petit peu. Je le vois moins, ça. Peut-être parce que le téléphone est encore plus présent dans la vie des gens qu'il l'était. Mais possiblement qu'il y a longtemps, dans des temps anciens, la télépathie était généralisée. C'était le principal moyen de communication. Mais c'est sûr que vu qu'il n'y avait pas les béquilles qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire téléphone, message texto, courriel, là, on a beaucoup de béquilles technologiques qui peuvent compenser un manque de télépathie. Ben oui, ben c'est comme, t'avais, je sais plus trop dans quel coin de l'Afrique, t'avais deux villages, ils se parlaient à travers des pots magiques. C'est des petits pots que tu mets de l'eau dans le fond, puis tu parles dedans. OK? Puis ils se parlaient d'un village à l'autre avec des moyens comme ça magiques, là. Mais c'est vibratoire, mais c'est lié à de la télépathie. Il n'y a pas une voix qui sortait nécessairement. Au niveau de la vibration des corps, puis tout, ils venaient à bout de se parler. Puis il dit, la minute que les missionnaires occidentaux, puis que les premiers blancs sont arrivés, on en a perdu la faculté. Ça marchait plus. Pourtant, ça faisait des millénaires. Donc, c'est un peu comme tu as d'autres cas, c'est des Autochtones aux États-Unis. La minute qui est arrivée des Occidentaux, ils n'ont plus eu le même type de rêve. Ils disaient, avant, on avait des rêves, puis on pouvait parler avec les anciens. Les anciens venaient nous parler dans les rêves, puis. La minute que les Occidentaux puis des missionnaires sont arrivés, on a été coupés. Puis on a été coupés des ancêtres. Donc, ils ont probablement fait interférence, puis peut-être qu'ils ont aussi voulu dévaloriser ces croyances-là en disant, là, faut que vous deveniez catholique ou chrétien, puis, tu sais, amener du doute ou discréditer ou... Ben, c'est que finalement, tu vois des jeux comme ça que s'il y a quelque chose qui a une fonction, puis que tu rends la fonction inutile. Au niveau d'un contexte, ou bien tout d'un coup, ça s'arrête, le phénomène. Mais il reste que j'avais remarqué, j'avais des phénomènes de télépathie intense avec les gens, là, qu'il y avait beaucoup du psycho-affectif fort. Puis ça va dans les deux sens. Parce que j'avais des phénomènes télépathiques avec du monde que j'aimais pas. Et je vais le ressentir aussi intensément. Parce que dans le fond, c'est de l'émotivité pareille. J'ai une charge, il y a une énergie, il y a quelque chose. Mais ce genre de phénomène, encore là, jusqu'à un certain point, c'est des phénomènes, on le vit tous. On en vit tous des phénomènes de télépathie. Mais bon, si la personne ne croit pas à ça, elle va rationaliser. Elle va dire, ben, ça donne comme ça. Si la personne, au contraire, elle est bien fascinée par ces affaires-là, puis tout, là, elle va accrocher là-dessus, puis. Mais il reste que la télépathie, de la fin du 19e siècle jusque dans les années 60, ça a été très, très, très étudié par toutes sortes de monde. Puis je parle des scientifiques très reconnus, puis des universitaires, puis au niveau statistique, ils ont fait des gros travaux. C'est quelque chose il a été démontré qu'il y a un phénomène. Il n'est pas expliqué, mais il est démontré qu'il y a quelque chose. Mais c'est étrange, on n'en entend plus parler. Pourquoi? Ben, parce que bon, depuis les années 50-60, c'est passé dans le militaire, ces affaires-là, parce que c'est lié au renseignement, la télépathie. Ben oui, ben c'est là que j'allais en venir. Des gens font du remote viewing. Ou le projet Stargate aux États-Unis qui visait, par exemple, à regarder à distance des lieux, que ce soit des bases russes ou autres. Bon, ben, c'est sûr que si n'importe qui peut utiliser la télépathie, ça veut dire que la notion de vie privée vient de disparaître. Même chose pour les bases secrètes, là, armées, là. Ben, c'est comme même, je pense que c'est Okorovitz. Il y avait un sujet, puis le bonhomme, il était bien, bien sensible. Puis il avait carrément dit au bonhomme, il dit, je veux que tu ailles chez moi, dans mon appartement, puis que tu ailles voir une feuille sur mon bureau, puis que tu me lises ce qu'il y a d'écrit sur la feuille.

Bon, mais là, mais je pense pas que les compagnies de cellulaire n'ont pas à s'inquiéter pour la télépathie. De toute façon, c'est un peu ça qu'on veut nous vendre. Dans le sens que là, il y en a, ils parlent de connecter carrément le cerveau à des ordinateurs. Oui, Elon Musk parle entre autres du Neuralink. Bon, ben ça serait la mort de beaucoup de facultés, dans le sens que c'est assez évident que ça nuirait là, au développement. Mais là, comme je pense que c'est hier, j'ai vu ça dans le journal, il montrait oh, l'être humain dans 1000 ans. Là, c'est une espèce de créature courbée, complètement dénaturée. Puis je regardais ça, puis je me disais, c'est n'importe quoi. Parce que même si on développe la technologie, puis tout, c'est pas en 1000 ans que tu vas avoir des modifications corporelles comme ça, là. Ça prend des millions d'années. Fait que, bon, je veux dire, si tu regardes les gens du Moyen Âge, oui, ils étaient plus trapus, ils étaient plus petits, mais ils Oui, étaient mais pas là, c'est sûr tellement que je différents de préfère maintenant. l'avocat du diable en disant que si les développements technologiques sont combinés à des manipulations génétiques et on procède l'édition de l'ADN pour orienter l'être humain vers certaines capacités, là, peut-être qu'on aurait des êtres humains modifiés ou, entre guillemets, améliorés, là. Ben ouais, entre guillemets, parce que l'être humain, il est déjà parfait. Puis il a déjà ses lois évolutives à lui, dans son organisme. C'est pas à. Je veux dire, ça s'est construit pendant des millénaires, des millions d'années. Puis ça n'a pas eu besoin ni de l'accord psychologique ou scientifique de personne. Puis ça s'est fait. Donc, si l'être humain commence à vouloir jouer à ça, ben c'est sûr qu'il va se nuire. Ça peut pas faire autrement. Parce que c'est pas des forces liées à de la conscience, ça là, c'est des forces naturelles. On peut pas intégrer ça puis se mettre à jouer là-dedans parce qu'on n'en est pas conscient de ça. Donc l'être humain, il va faire des gaffes s'il commence à jouer là-dedans. Puis c'est des réactions en chaîne. Je veux dire, si à un moment donné, il modifie l'ADN du monde, puis tout, puis qu'on perd un gène, on ne pourra pas le recréer. Je veux dire, ce qui est perdu, c'est perdu. Puis on n'est pas rendu là. Ils sont pas capables de. Tu peux pas créer toute pièce un gène puis le réintroduire s'il est perdu, là. Et là, c'est dangereux. Ça commence à. Mais bon, ben franchement, moi, ça m'inquiète pas, là. Je veux dire, ces forces-là qui ont veillé à ce que l'être humain devienne ce qu'il est sont encore présentes. C'est bien plus fort que l'inconscience, je dirais, là, du Ouais, puis nos monde. savants, apprentis sorciers. En fait, je vais te parler d'une autre expérience à présent. Donc, il y a plusieurs années, la compagne que j'ai présentement m'a été prédit. En fait, j'étais célibataire, ça faisait un certain temps, là, tu sais, je voulais être en couple, en relation, là, avoir une compagne là, dans ma vie. Et puis, en présent, c'est encore un médium, mais un autre que celui-là que je parlais tantôt de la télépathie. J'étais entré en transe en sa présence et puis les deux, on a comme connecté, là. On va essayer de décrire ça avec une certaine précision. C'est comme si lui, il a demandé, bon, c'est quoi que tu veux? Là, je dis, je veux être en couple avec une compagne, puis ça fonctionne, une relation à long terme. Là, la façon que je l'ai vu réagir, c'est comme s'il percevait la vibration de tout ça, puis il est entré en état de transe, puis moi aussi en même temps. Puis à un moment donné, j'étais même, il y a comme une énergie qui a passé. Il y avait comme une espèce de, je veux dire, comme ce que c'est venu, une espèce de vibration d'amour. Moi, j'étais ému, j'ai des larmes à l'œil, puis c'était très intense. Puis là, il dit, dans le fond, il y a eu une vision où il a décrit la compagne, là, avec des détails très précis qui correspondent à la compagne que j'ai actuellement. Puis avant que je rencontre ma compagne présente, j'avais tout pris ça en note, là. Je tiens un journal personnel par rapport entre autres, les expériences à caractère paranormal que je peux vivre, mais les expériences significatives aussi. Puis, tu sais, les détails, en préparation de l'enregistrement d'aujourd'hui, j'avais été revoir ça, puis la description avec des traits physiques très particuliers, parce que ma compagne a les yeux verts, les cheveux châtains, tu sais, des traits qui permettent vraiment de reconnaître la personne. Et par la suite, bon, j'ai rencontré ma compagne de plusieurs mois après. Puis ça fait au-dessus de 16 ans que je suis en relation avec elle. Bon, il y a eu une séparation un an et demi de temps. Elle avait mis fin à la relation. Ensuite, un an et demi de temps, elle est revenue. Puis là, je m'apprête à avoir un enfant avec elle. Fait que la vision qu'elle avait eue par rapport à la personne que ça allait cliquer, que ça allait marcher, correspond détail par détail, là. Quand il y a des expériences comme ça, je me prends des notes au moment où ce que je la vis, dans le sens que le médium, quand je l'avais rencontré en 2005, la journée même, j'ai tout pris en note ce qu'il a dit pour pas que on me dise, ah ben là, tu as interprété là, par la suite, puis tu as déformé, parce qu'on peut déformer au fil du temps qui passe nos souvenirs, puis c'est normal, puis il y a un effet de contamination. Mais là, pour éviter ça, je l'avais pris ça en note. Puis bref, la prédiction s'est actualisée. Fait que là, je voulais comme avoir ta perspective là, par rapport à ce type de prédiction que certaines personnes peuvent vivre, parce qu'il y a des gens qui se font prédire des enfants, des conjoints, et ainsi de suite. Ben, c'est de lire de la programmation, dans le fond. C'est juste parce que, bon, des fois, c'est plus ou moins précis. Mais, dans le fond, c'est comme si on regarde, admettons que tu n'avais pas consulté ce médium-là, Oui. ben, tu aurais rencontré ta conjointe pareil. C'est possible, sauf que là, j'aurais pas eu tout le détail puis le portrait type que j'aurais pris en note. Mais ça change quoi d'avoir eu le détail? Ben, moi, ça m'a comme confirmé qu'à quelque part, il y a des événements significatifs de notre vie qui sont déjà préprogrammés ou marqués. Ouais, mais préprogrammé, oui, dans le sens que il y a une structure, si on peut dire. C'est possible peut-être même de sortir du temps puis de l'espace pour la lire d'une façon qui n'est pas possible dans le présent, puis ramener l'information. Mais à part se confirmer, ça fait quoi? Non, tu as raison, ça apporte pas C'est ça. nécessairement d'autres choses. Ben, dans le fond, on est insécure. On est un peu comme. On vit dans un monde inquiétant, un petit peu menaçant, dans le sens où il peut arriver n'importe quoi, surtout au niveau de l'événementiel. Fait qu'on essaie d'avoir un paradigme, c'est-à-dire d'avoir une vue claire de ce qui se passe pour des raisons de survie. Mais par après, on va chercher à confirmer tout le temps. Comme pour évacuer de l'angoisse. Puis parce que. Dans le fond, on va chercher à se confirmer, puis ça n'a pas l'air d'avoir d'autres fonctions. Donc, c'est pour ça que c'est des affaires de même, je le regarde. C'est pour ça que consulter des médiums, je n'ai jamais fait ça. Parce que je veux pas me confirmer. Je veux pas m'infirmer non plus. Moi, je voudrais savoir pour vrai qu'est-ce qui se passe. Puis le reste, c'est comme des détails. Dans le sens que, bon. Puis de toute façon, chaque fois que c'est arrivé, pareil, là, que des médiums se mettent à me faire des prédictions, là, mais souvent, c'est pas parce que je leur demandais, là, c'est tout d'un coup, ils se mettaient à. Puis moi, c'est tout, je me, ils me disaient tout le temps de la merde qu'on me prédit. Puis c'est sûr parce que je cherche pas à me confirmer. Fait que, puis souvent, c'est pas ça qui arrive, pareil. Mais il risque, ou bien souvent, ce qui est, même une femme à un moment donné m'avait dit, elle dit, il y a un blocage, je vois rien. J'ai dit, oui, c'est moi le blocage. C'est pour ça que tu vois rien. Elle dit, ouais, mais d'habitude, je suis capable de lire le joint, mais c'est pas de tes affaires. Ben c'est parce que tu n'étais pas collaboratif, à différence des autres personnes Ben qui non. étaient sans doute ouverts à ça puis Je qui serai voulaient jamais savoir. collaboratif. OK. Je peux pas. Parce que moi, je veux pas. Je veux pas le savoir. C'est-à-dire que ça, je trouve que ça m'apporterait rien. Et puis, même, peut-être au contraire, je veux pas avoir d'attente, je veux pas. Mais souvent, je regarde ça, puis je me dis, oui, mais les médiums, ce qu'ils nous donnent, ce qu'ils vont donner comme information, c'est par rapport à des choses déjà fixes, souvent, puis ça changerait rien que tu le saches ou que tu le saches pas. J'ai rarement vu quelqu'un qui est arrivé et dit le médium m'a prévenu, puis ça a changé tout le cours de ce qui serait arrivé. Ça, je ne l'ai jamais vu, ça. C'est comme si. C'est là qu'on voit qu'il y a une espèce de jeu de contrôle de l'information. Parce que on nous donne tout le temps de quoi pour qu'on se confirme dans l'idée que c'est possible. Mais finalement, ça ne change pas grand-chose. C'est comme. des petites filles qui s'amusent à faire des jeux pour prédire quel genre de bonhomme ils vont marier plus tard. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais que les petites filles aient joué à ça ou pas, ça change rien. Je veux dire, ils se seraient mariés pareil, puis ils auraient rencontré le mari pareil. Là, ça peut influencer même, tu sais, en tout cas, mais il reste que je l'ai tout le temps regardé comme ça, dans le sens que ça, c'est comme si c'est par rapport à une signification. Où, mais finalement, ça change, ça doit être ça, parce que ça change rien. C'est-à-dire, on nous donne de l'information pour la signification que ça a, puis qu'on se conforte psychologiquement dans ce qu'on se confirme. Mais dans les faits, l'invisible, il nous donne rarement de quoi d'important ou d'intéressant ou qui sert vraiment. Comme si ça n'interférera pas avec la programmation. Ils vont pas te changer de programmation parce que tu veux savoir, puis finalement, ça fait pas ton affaire ce que tu as su, fait que là, je change de programmation et ça fait jamais ça. Fait que c'est sûr que moi, je veux, bon, je me dis, ça me donne quoi d'aller voir un médium, je veux dire, ce job-là, je peux le faire tout seul. Dans le sens que, de toute façon, il me donne pas d'informations tellement plus intéressantes quand je suis tout seul. Fait que même si je vais consulter, je le sais que je vais me faire donner c'est comme donner des biscuits. C'est comme donner un biscuit à un enfant pour le faire patienter avant le souper. Non, je comprends. Ça peut être une forme de garder la personne en attente ou créer un consentement. Puis là, la personne, elle monte pas dans la colère mentale pour obtenir des choses plus concrètes qui l'aideraient dans la vie de tous les jours. Ouais, mais d'un autre côté, on n'échappe pas à. Je veux dire, si la personne, c'est sa programmation de consulter des médiums, elle va le faire. Non, mais moi, je l'ai fait pendant un certain temps. Mais ici, ce que je veux mettre en contexte quand même, le but de l'enregistrement d'aujourd'hui, c'est pas nécessairement de faire la promotion puis de la consultation des médiums. C'est plutôt d'aller voir derrière ce type de phénomène-là, comme là, la prédiction d'une compagne, regarder au niveau occulte qu'est-ce qui se passe. Ben c'est ça le problème, c'est que ça va te donner juste l'information pour que tu te confirmes qu'il y a quelque chose. Mais le quelque chose, ils te le donneront pas. La mécanique claire de tout ça, il y a jamais personne qui l'a. Dans le sens que on est des égos psychologiques, on est dans un espace-temps, on spatialise. Puis ces phénomènes-là, c'est possible grâce à de l'espace-temps qui englobe ça puis qui va au-delà de ça. Puis on peut pas psychologiquement s'aventurer là-dedans puis se mettre à rationaliser ça. C'est là qu'on fait une erreur puis qu'on se rend pas compte que l'invisible va pas devenir invisible. Je veux dire, on va pas intégrer ce qui s'intègre pas psychologiquement. Mais Donc, psychiquement, en développant une conscience multidimensionnelle qui nous permet d'aller au-delà de l'intellect, puis de la vision linéaire du temps, ben ça peut nous donner des pistes d'explication et de compréhension par rapport à ce ben, type on de sait qu'il y a phénomène. quelque chose, mais on ne pourra pas plus l'expliquer. Bon, en tout cas, on va être dans des pistes, comme tu dis, d'explication. Mais ça va rester tous des chemins. Parce que le réel, il n'y a rien qu'un chemin. Il y a juste un réel là, qui se passe. Mais il est en dehors de notre portée. Si, je veux dire, l'intellect rationnel, c'est une dimensionnalité de la perception. On peut pas intégrer le réel là-dedans. C'est comme essayer de faire rentrer des carrés dans des ronds. Donc, il y a beaucoup là-dedans le fait qu'on est psychologique. Mais il reste que, tu sais, dans le fond, moi, je conseillerais pas aux gens de consulter des médiums, mais ça peut leur être utile pour les confirmer, si c'est ceux qui veulent. Mais personnellement, je veux dire, même si je me fais confirmer certaines affaires, ça change rien. Mais c'est-à-dire que ça peut changer la vision du monde. Moi, ce type de confirmation-là m'a amené à être ouvert par la suite à l'instruction supramentale où il est question que des programmations qui concernent des individus. Tandis que si je n'avais pas vécu ça, peut-être que j'aurais une vision plus de dire, ah ben, la vie est le fruit d'une évolution hasardeuse, avec une vision plus darwinienne du monde. Ben, c'est possible de passer d'une dimensionnalité restreinte à une autre dimensionnalité restreinte, alors que les deux sont réels. Oui, il y a de l'évolution hasardeuse à travers. Je veux dire, c'est pas une mécanique totale ou totalement une autre, là. C'est tout, ça se chevauche. Pour avoir une vision de ça, faut vraiment atteindre une multidimensionnalité, c'est-à-dire regarder les différentes dimensionnalités, puis les chevaucher pour voir ce qui se dégage d'une forme, une trame, là, qui est plus grande. Mais il reste que, je sais pas, si je suis tellement sceptique par rapport à tout ça, c'est peut-être justement pour l'avoir regardé beaucoup. Dans le sens que, finalement, il y en a, ils vont étudier toute leur vie un type de phénomène. Puis même après 45 ans, après 50 ans, ils n'ont pas de conclusion définitive. De la même façon que Allan Kardec, après avoir développé le spiritisme, il est allé dire, ben, on ne peut pas se fier. Puis il ne faut pas les croire. Ça valait la peine de passer toute sa vie pour finalement arriver à la même conclusion qu'il y avait au début. Non, je comprends, c'est un petit peu en queue de poisson. Puis là, quand tu regardes ça avec le recul, tu te dis, coudonc, c'est une dépense considérable d'énergie qui aurait pu peut-être être utilisée ailleurs pour améliorer le sort concret de la vie de la personne dans son quotidien, Sauf là. qu'à un moment donné, c'est des affaires que, comme on peut rien arriver à rien de, comment je pourrais, de définitif puis de spécifique, ben c'est une remise en question constante. Parce que de toute façon, on n'arrivera pas à des conclusions spécifiques. Ça se cache, hein, c'est malhonnête. L'être humain, il probablement qu'il serait en danger si c'était pas comme ça. Dans le sens que si on se mettait à tout comprendre d'un coup, on n'a pas le discernement, possiblement, on n'a pas la sagesse, puis peut-être on deviendrait dangereux. Fait que c'est correct que les médiums restent dans la misère, c'est correct que les magiciens crèvent de maladies bizarres dans des souffrances étranges, puis qu'il y ait des fins de vie de marde. C'est correct qu'il y ait les gourous finissent dans la rue ou en prison. C'est tout correct parce que, dans le fond, c'est des pare-feux. Puis ça nous empêche justement d'une façon définitive de s'emprisonner dans une affaire qui va être unidimensionnelle totale. On sortirait de notre expérience. Puis c'est pas fini, là. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est correct. C'est correct qu'il y en a qui se soient rendus aux Philippines pour se faire opérer puis se rendre compte que c'était de la fraude. Puis Non, non, mais je comprends que dans un sens évolutif aussi, c'est que les gens, c'est correct qu'ils soient confrontés à certaines limites par rapport au paranormal ou la médiumité, parce que ça fait en sorte qu'ils vont être moins fascinés par rapport à ça, donc les rendre un peu plus objectifs là, dans le mental. ben oui, ben même si on sombrait totalement là-dedans puis que ça deviendrait le point, la chose la plus importante dans notre société, puis le principal intérêt collectif de tout le monde, ces affaires-là, on sera encore plus dans la folie. On sera encore plus subjectif qu'on l'est maintenant. Fait que là, c'est la différence entre être ouvert d'esprit, puis être éthéré, puis complètement éparpillé. Dans le sens, c'est correct d'avoir une certaine ouverture d'esprit, mais si on est rendu que ça fly trop, là, Non, non, c'est c'est ça. C'est parce dangereux. que ça prend un esprit critique pour pondérer la naïveté à l'égard de l'ouverture d'esprit pour éviter les dérapages et entre autres la dérive sectaire. Ben oui, c'est comme quelqu'un qui, tout d'un coup, il voit des phénomènes spirites pendant une séance. Oui, il se passe quelque chose. Oui, il y a quelque chose. Mais comme on ne peut pas vérifier à la source des phénomènes, c'est quoi qui engendre ça réellement, la personne est en danger. C'est fasciné par ça, puis elle passe le reste de sa vie là-dedans. Elle va gaspiller sa vie. Puis il est un petit peu là, moi, je le vois vraiment, c'est comme des voies de contournement. C'est une façon de nous détourner. Parce que, ben, je parle de la fascination, puis par. Quelqu'un d'ouvert d'esprit n'est pas supposé être fasciné. Dans le sens plus de l'ouverture d'esprit, là. On n'est pas. Parce que moi, je regarde juste des choses comme on a vu, comme Allan Kardec. Bon, c'est un précepteur, il a une bonne carrière, puis tout. Puis à un moment donné, il est invité à une séance de spiritisme. Puis il voit une corbeille d'osier qui bouge. Ça a complètement détruit sa vie. Il est devenu fou. C'est de la folie, moi, à mes yeux, d'aller changer de nom, d'aller complètement changer de milieu. Il est passé d'un scientifique foi totalement matérialiste à une espèce de spiritualisme complètement exalté. Oui, ça peut créer des déséquilibres chez certaines personnes. Ça, c'est clair, c'est évident. Mais en même temps aussi, je veux quand même présenter la contrepartie de ça, du balancier, si on évalue les expériences à caractère paranormal. C'est que dans certains cas, ça peut amener une transformation intérieure de certains individus pour les amener à devenir plus conscients ou sensibles. Et il peut y avoir une portée dans le sens qu'il y a des cas de. C'est sûr, ça peut être discutable, là, mais il y a quand même des cas de gens qui auraient été contactés ou enlevés par les extraterrestres, qui auraient développé une plus grande sensibilité par rapport aux vivants, qui seraient devenus végétariens ou qui auraient eu de l'intérêt pour l'écologie, alors que c'est des choses qui ne leur parlaient pas, là, qui seraient un peu plus Ah oui, c'est le empathiques, même respectueux de la phénomène. nature. C'est le même phénomène qu'Alan Kardec. Tant qu'à moi, là. La personne, dans le fond, a subi un choc. Puis après, t'as le post-traumatique. Puis là, c'est complètement transfiguré, la personnalité. Parce que c'est sûr, il y a eu une expérience traumatique. Mais est-ce qu'il est plus objectif après qu'avant? Je trouve pas. Je trouve pas. C'est comme le monde, là, qu'il voit des extraterrestres. Puis à cette heure, la nature, c'est important. Puis si, si, puis c'est ça. C'est pas plus objectif ou plus lucide qu'avant. Parce que des fois, ça va trop loin, là. Ça devient n'importe quoi, là. Non, c'est sûr qu'il peut y avoir des dérives ou des délires en Ben lien avec oui. ça, mais J'ai jamais vu quelqu'un, moi, vivre une expérience paranormale puis être plus lucide après. Genre. Il est plus lucide dans le sens que, ah, il y a un autre champ d'expérience qu'il ne connaissait pas, Castor, il sait que ça existe. Mais est-ce qu'il est plus lucide? Est-tu plus rationnel? Je ne sais pas, ça fait du monde qui. Moi, je voyais dans le sens de quelqu'un qui se fout de l'environnement puis qui développe des valeurs plus écologiques, donc un sens plus respect du vivant en général, là, Ben, dans une. regarde, moi, je m'en fous de l'environnement, mais je pollue pas. Fait que c'est pas grave, j'ai pas besoin de m'en soucier plus. À mon échelle, à moi, en tant qu'individu, je change rien. Parce que moi, je veux dire, je la fais ma part pour mon environnement. Je chauffe pas une maison de 25 000 pieds carrés. J'ai pas de jet privé. Je me promène pas en paquebot. Je me promène pas en bateau de croisière. J'ai pas de char. Je prends pas l'avion. Non, je T'sais. comprends ce que tu veux dire. Tout ça peut être relativisé, là, en effet, Ben là, là, ouais. c'est parce que. Souvent, à un moment donné, il va falloir se rendre compte que c'est un caractère religieux, ces affaires-là. C'est-à-dire que l'être humain, il n'est pas autonome, puis il n'a pas d'identité. Puis c'est par son expérience qu'il va se créer une identité subjective pour des raisons de survie. Puis, notamment, comme il y a des inconnus, puis tout, ben, il y a de la psychique psychologique, il y a de l'angoisse, puis il y a de l'anxiété. Donc, les expériences vont servir de courroie d'écoulement à ces affaires-là. C'est toujours religieux d'une certaine façon, ces expériences-là, au niveau psychologique, si on regarde le comportemental. Parce que c'est la même affaire qu'un mystique qui subit une expérience mystique, puis après, ça vient colorer sa vie. C'est tout le temps les mêmes, je veux dire, les phénomènes ne sont pas les mêmes, mais la trame, la structure, du comportemental, puis de transformation psychologique est tout le temps pareille. La personne a vécu une expérience marquante. Puis par après, bon, ben, ça va transfigurer sa personnalité, ça va transformer son psychologique. Puis là, tout le reste après va être coloré par cette expérience-là. Qui est un point de départ qu'on pourrait appeler la révélation ou la rencontre avec Ou la peu seconde importe. naissance, tu sais, quelqu'un qui C'est vit ça. une expérience de mort imminente, ou comme tantôt je disais, contact extraterrestre ou d'autres expériences à caractère paranormal. Bien, c'est sûr que la personne devient quelqu'un d'autre, là, elle devient C'est ça. différente. Ben, ça veut dire que la personnalité qu'elle avait avant n'est pas plus réelle que celle qu'elle a après. Mais là. Ce qui est réel, dans le fond, là-dedans, c'est le fait que l'être humain, il a peur, il est vulnérable, puis il est inquiet, puis il est psychologique, puis il n'a pas d'identité. Donc, ça y prend des parents, ça y prend des tuteurs, ça y prend des guides. Fait que ça peut être les esprits, les extraterrestres, les morts, les anges. Ça va prendre la forme. Selon la fonction de ce que ça a à accomplir, c'est-à-dire ça va s'adapter à l'individu. Donc, Mais ça, si je parle, c'est au niveau psychologique, là, pas au niveau du phénomène là, en tant que phénomène, là. Mais il reste que, bon, on se rend compte que, c'est comme j'avais vu une dame, elle est allée dans le désert, je ne sais plus trop où, un désert dans le Maghreb, je ne sais pas où. Puis elle, puis d'autres, ils ont eu une expérience dans le désert la nuit. Il est apparu des visages bleus qui leur ont parlé. C'est comme des grosses faces bleues, des gros masques bleus qui ont apparu puis qui leur parlaient. Ils ont été complètement traumatisés par ça. La bonne femme est virée complètement sur le top. Là, elle avait changé de nom. Fallait l'appeler Noëlla de la vie nouvelle. Puis là, elle faisait le tour des journaux. C'est de même, moi, j'étais au courant de l'histoire parce qu'elle est allée voir un journal que je connaissais du monde qui travaillait là, qu'elle voulait raconter son expérience. Mais la madame, elle portait plus à terre. Elle était totalement traumatisée, dans le fond, mais elle s'en rend pas compte. Elle, pour elle, c'est la nouvelle vie. Puis c'est sûr, son vieil ego est mort d'une certaine façon. Elle peut pas survivre à ça. Parce que d'un point de vue paradigmatique, le monde n'est plus le même. Puis elle a cru à ce qu'elle a vu. Tu sais, je veux dire, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a eu un phénomène. Mais on peut pas être sûr de ce qui a engendré le phénomène. Fait qu'à mes yeux, moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est de l'hostie de manipulation par je sais pas quoi. Puis c'est pas important. L'affaire qui est importante de regarder, c'est que cette bonne femme-là est virée sur le top. C'est ça qui est important d'avoir. Non, non, je Le monde, comprends. ça colore toute leur vie. Moi, c'est ça qui m'enrage, c'est ça qui me choque. C'est correct qu'il y ait du monde qui ont des phénomènes ufologiques, mais c'est pas normal que ça détruise toute ta vie, puis que tu sois dans l'illusion que ça l'a construit. Puis le monde après, bon, à cette heure, moi, je suis un expérienceur, j'ai pris tel nom, puis je parle de mon expérience, puis là, c'est psycho-affectif, hein, c'est fort, puis là, il pollue les autres avec ça, vibratoirement, Non, puis. non, je sais qu'il y en a qui veulent convaincre, puis là, c'est comme la nouvelle évangile ufologique, là, si on peut dire prêcher la Parce que bonne dans le fond, nouvelle. on ne peut pas se fier à rien Non, c'est sûr. de ces affaires-là. C'est hypocrite, c'est malhonnête. Ça, les forces, les crises de force supérieures, là, c'est hypocrite, c'est malhonnête. C'est manipulateur. Puis moi, ça, c'est la seule affaire que je suis sûr. La seule chose que je suis sûr à 100%. De tout ça. Après des années à avoir entendu toutes sortes d'affaires du monde, dans toutes sortes de groupe, dans toutes sortes d'expériences, de toutes sortes d'affaires, puis il n'y a personne qui est à l'abri de cette subjectivité-là. J'écoutais, c'est Daniel Kemp, sa gang, il avait vécu des expériences une fin de semaine dans ce qu'il appelle le dôme, là, je sais pas trop c'était quoi, devait être une sorte d'installation un peu comme on voit sur certaines fermes, c'est comme des petits entrepôts qu'on peut mettre certains produits, là, puis c'est comme des dômes en espèce de, pas de la toile, là, mais en tout cas. Puis là, ils ont vu des intraterrestres, ils ont vu des extraterrestres, ils ont vu des orbes, ils ont vu toutes sortes d'affaires, mais c'est surtout des vues internes qui sont décrites. C'est-à-dire, t'as une personne, elle ressent quelque chose, puis là, elle va la parler, puis là, les autres autour sont mis en vibration, puis ils se mettent à ressentir la même affaire. Mais là, on peut-tu parler à ce moment-là d'une forme de contagion d'un individu à l'autre avec une espèce d'hypnose collective qui Ben oui, s'induit mais c'est de même progressivement? que ça marche, la télépathie. Je veux dire, c'est de la contagion, c'est des lois magnétiques. Puis c'est comme des charges magnétiques. Puis... Mais même l'hypnose, même la suggestion, même ces affaires-là, il y a de l'occulte en arrière. C'est tout lié, ces phénomènes-là. Mais l'affaire, c'est que, bon, Daniel Kemp, qui est considéré comme un instructeur important, puis pourtant, sa gang, ça flayait, là. Moi, j'écoutais ça, j'ai pas été capable de tout l'écouter. J'allais finir par garrocher l'ordinateur Non, sur non, le tu coup. étais en colère, là, comme je te Ah connais, oui. là, sans doute, une très forte intensité. J'écoutais ça, puis j'en revenais pas. Il y en a une à parler, dit, à un moment donné, la sonde était rendue dans mon utérus. Puis j'écoutais ça, puis là, ça va faire. Tu avais tous les archétypes qu'on voit en psychanalyse, les affaires inconscientes par rapport comme les hystériques qui refoulent leur libido. Tout était là. Là. Ça veut dire, peu importe ce qui est arrivé, ces forces-là sont servies de ces choses-là, puis le monde sont partis en peur, puis ça flyait bien trop. J'écoutais ça, j'ai dit, ils sont vraiment impressionnables. C'est là le danger. C'est un peu comme de certains animaux, ils vont faire quelque chose qui va subjuguer le système nerveux, puis après ils peuvent attaquer. Fait que c'est un peu comme ceux qui chassent la nuit, là. Tu mets un spotlight dans la face d'un cerf et fiche. Mais très rien qu'à tirer dessus. Ben, l'impression, c'est ça. Puis le monde, je voyais qu'il avait été impressionné par ce qu'il avait vécu cette fin de semaine-là. Puis là, par après, il y a du monde qui me rapporte que Daniel Kemp, il en avait pris, puis il avait laissé de ce qui était arrivé, puis il avait même dit à du monde en privé, gars, occupe-toi pas de ça. Mais il reste que le temps que ce monde-là en parlait, puis que lui, il est là, puis tout, lui, il embarque, puis il en rajoute. Non, je comprends, il aurait nourri le mouvement, mais en même temps, Ben là. ouais, mais tout ça, c'est très délicat parce qu'on n'était pas là. En Ben oui, personne, puis on ben, n'a pas tous même si les j'avais éléments du été là, contexte. sais-tu ce qui serait arrivé si j'avais été là, il m'aurait écrit ça dehors. Probablement parce que tu l'aurais contesté puis fait Ben interférence avec son là, j'aurais mouvement. dit, là, on est en train de se faire avoir, là. Dis là. Je veux dire. Dans un. Ah, oh, je sens qu'il y a un Indien à cheval dans le coin là-bas. Dis, ben oui, puis. Alors, regarde-les, c'est quoi qui te projette cette image-là, puis essaie de trouver pourquoi il veut te fourrer avec une image de même. Parce que c'est tout de la merde, c'est sûr. Tu sais, dans ce coin-là du Québec, les Autochtones se promenaient même pas à cheval, là. Il arrive d'où, cet Indien-là, de l'Arizona? Questionne-les. Chris, confrontez-les. C'est des niaiseries, vous le voyez pas? Moi, si on me fait un show de marionnettes, c'est sûr que je vais dire, ben, c'est un show de marionnettes. C'est qui, là, qui est en arrière des marionnettes? Je veux savoir. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Ben non, eux autres sont là, sont subjugués par le premier degré de ce qui se passe, les images, les formes. C'est sûr que c'est de la merde. Des hosties d'Indiens à cheval, ça fait 25 ans que j'en entends qu'ils voient des Indiens à cheval. On est d'un coin de l'Amérique que les Indiens, ils montaient pas. T'sais, oui, il y en a eu aux États-Unis, pis tout, mais pourquoi des Indiens à cheval? Pourquoi? Parce qu'archétypalement, c'est impressionnant dans les consciences collectives, c'est tout. C'est pour ça qu'ils prennent des images de même. Puis c'est l'évidence même. Même dans l'affaire d'Amityville, qui est un esti de connerie, de montage, de fraude, de stupidité, puis de coups d'argent, il y a un couple de fraudeurs, là, les Warren, là, que c'est des astuces. Eux autres, ils avaient amené le médium là, puis qu'est-ce qu'elle sentait dans la maison? Dire, il y a un Indien à cheval là-dedans. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi, Non, t'as des je Indiens à comprends cheval? ce que Mais tu là, veux dire, t'as. mais derrière ce type d'expérience-là, le point que je veux faire, c'est que d'un côté, oui, tu as des gens collectivement qui sont fascinés, puis ils se nourrissent entre eux, puis ils se renforcent dans leur perception, mais c'est de voir c'est quoi le but des forces qui vont générer ça. C'est ce que c'est Ben, siphonner nous leur autres. énergie Là, vitale, les c'est quoi vampiriser? le but? Parce qu'on est psychologique. Nous autres, on fonctionne de même avec des buts. Mais ces forces-là, c'est pas pareil. C'est comme si tu me disais, ben là, dehors, en ce moment, ils ventent beaucoup, puis je vois les feuilles revoler. C'est quoi le but? Ben, ça n'a pas rapport. Non, non, Les ok, je vais conditions enlever sont le. réunies pour que ça se produise, Ok. puis c'est des phénomènes, des forces, des rapports de force. C'est Ok, ces naturel. Mais c'est nous expériences-là autres, ça, qui pensent paranormales. de même. Ouais, non, je comprends, parce qu'on a tendance à anthropomorphiser, là. Ouais, mais si on compare l'expérience, par exemple, à des conditions, justement, comme tu le fais, météorologiques, c'est que les conditions sont propices à ça, donc ça arrive, mais il n'y a pas d'intentionnalité, nécessairement Ben non. d'entité derrière ça, là. Ben non, ben c'est surtout de l'inconscience, l'intentionnalité. Je veux dire, si tu te réunis avec une gang qui sont fascinés par les mêmes affaires, puis là on se met dans un dôme, puis là on se met dans des états seconds, puis on se met à. C'est sûr qu'il va se passer des choses. De la même façon que si je monte le thermostat, on va avoir chaud. Donc, c'est une réaction physique, tout simplement, qui arrive avec certains paramètres réunis. Moi, je trouve ça très mécanique. Qu'est-ce qui fait que. Le monde qui participe à des séances de spiritisme, ils ont rarement des expériences tout seuls. Parce que les conditions sont pas là. Puis ils sont conditionnés à percevoir ça dans certaines conditions. Ben, ils bénéficient de l'énergie du groupe aussi en tant que support énergétique au déploiement Ouais. des expériences. Donc, c'est pour ça que les gens, quand ils sont ensemble, puis qu'il y a une vibration commune, si on peut dire, un peu comme une chorale qui chante. C'est très puissant, ça. Puis c'est plus puissant que l'individu. Ça peut engendrer des phénomènes psychiques inconscients, qui sont beaucoup plus forts qu'une conscience individuelle est capable de percevoir dans le moment, là. Puis on se fait avoir, on se fait pogner. C'est un peu comme assister à un spectacle, puis on se met à y croire ensemble. Mais justement, par rapport à ça, ça me fait penser à une expérience que j'avais vécue dans le passé, que je voulais te partager aujourd'hui. Suite au décès de mon père, il y a plusieurs années, j'étais avec ma mère là, chez moi, alors que je vivais avec elle. On était dans le salon. Et c'est sûr, suite au décès de son mari, qu'elle avait vécu avec lui pendant plusieurs années, puis moi, c'était mon père, là, naturellement, par rapport à la même personne. On était très chargés émotivement. C'était dans les premiers jours là, suivant le décès de mon père, là. T'sais, elle pleurait souvent, puis là, elle pleurait. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que dans le salon, il y avait une lumière qui, quand elle a commencé à pleurer avec une grande intensité, s'est mise à clignoter. Et puis là, elle pleurait, puis la lumière se mettait à clignoter. Puis à un moment donné, elle s'est calmée un peu, puis la lumière a comme arrêté de clignoter. Mais la lumière s'est remise à fonctionner normalement, là. T'sais, c'était pas une lumière qui était en fin de vie, là, qu'on appelle, là. Et puis, cette expérience-là, quand elle a vécu ça, ben là, puis moi, j'étais là, puis j'étais très émotif, fait que je nourrissais un peu le même mouvement, là. Et c'était comme si, elle interprétait ça, elle dit, là, c'est comme si ton père décédé aurait perçu la souffrance qu'on vit, puis a voulu se manifester d'une manière électrique à travers la lumière, donc c'est l'hypothèse qu'elle a donnée. Toi, je sais pas la perception que tu peux avoir de ça. Ben, moi, ça m'est arrivé, ça. OK. Je veux dire, des moments où psychiquement, j'ai vu quelque chose d'intense, que les lumières se mettent à crépiter, même. Puis ça baisse, ça fait. C'est un peu comme si tu prenais la switch, puis t'as baissé juste, puis t'as mettant entre les deux, puis là, ça se met à crépiter, là. Parce que le contact, mais dans le fond, on est psychoélectrique, dans le fond. Puis on influence des fois ce qui se passe autour. L'émotivité, ça peut faire éclater les ampoules électriques. À un moment donné, j'étais en train de manger, ça fait longtemps. J'étais dans une autre ville assez loin d'ici, j'étais en train de manger, puis dans ce temps-là, j'avais le téléphone. Là, je reçois un téléphone. Puis je suis pas content là, de ce que j'apprends, puis là, je remets le téléphone là, puis là, je continue à manger, puis je suis pas de bonne humeur. Puis à un moment donné, en plus, après l'avoir mangé, il faut que je m'en aille. Ça ne me tente pas. Puis là, je me rappelle que la lumière au-dessus de moi, elle se mettait à crépiter quand j'étais en colère. Puis même par après, dans ce loyer-là, parce qu'on dirait que ça change par rapport au lieu. Comme ici, je suis dans un appartement, c'est moins sensible l'électrique dans le bloc. Mais dans ce petit appartement-là, j'ai eu des ampoules qui éclataient. Au point de. Puis c'était au-dessus de ma table. Des fois, je mangeais, puis ça tombait, là. Mais c'est. On influence clairement les appareils, là. Je veux dire, on est des appareils aussi. Fait que. Puis c'est psychoélectrique, l'émotivité, ces affaires-là. Fait que. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Sauf que je l'aurais pas interprété comme genre, ah, ben, il voit qu'on va pas bien, puis je l'aurais interprété genre, il y a de l'intensité, puis ça a influencé. Mais il y a plusieurs façons de l'interpréter. C'est parce que je voulais avoir ta lecture. Parce que d'un côté, mais c'est sûr, ma mère, elle croit, dans le fond, la vie est après la mort. Puis que l'âme de mon père continue d'exister. Puis qu'à quelque part, suite au décès, ben il est comme présent encore avec nous. Là, dans le sens, des fois, elle dit, ah, j'ai perçu un bruit dans la chambre. Ou il a comme bougé un livre. Ou tu sais, elle interprétait beaucoup comme ça. Il y en a d'autres qui vont parler de phénomènes catalytiques d'extériorisation de certaines personnes qui projettent leur énergie dans leur environnement, là, qui pourrait être une piste explicative de ce type de phénomène. Ben, je venais une personne, c'était un champ. Oui. C'est entre autres électromagnétique. Quand quelqu'un est perturbé, c'est normal que son champ, bon, ça change. Ça peut influencer les réseaux électriques d'un bâtiment ou ça peut même faire. C'est des phénomènes encore là, moi je le vois comme mécanique un peu. Une fois, je m'étais endormi avec une manette de télévision, puis je m'étais réveillé parce que c'était en train de me brûler. Puis je me suis rendu compte que les batteries, la partie de plastique qui recouvre d'habitude, je ne l'avais pas. Puis les batteries étaient collées sur moi, je m'étais endormi. Je m'étais réveillé, ça me brûlait, les batteries étaient devenues brûlantes. Mais c'est en dormant, j'ai changé d'état. psychoélectrique probable ou électromagnétique, puis ça a joué sur les batteries qui étaient collées sur moi. Je l'ai vu comme ça, là. Mais je vois pas d'autre. Tout ce que je peux constater, c'est qu'il y a eu un changement. Mais je peux pas être sûr. Mais c'est sûr, à mes yeux, ces phénomènes électriques-là, c'est pas nécessaire des manifestations de mort, nécessairement. C'est des manifestations de vivants qui vivent des états intenses, psychiques. Ça influence les appareils, les choses. Puis, même des fois, ça peut faire des choses très étranges. Dans les années 80, début des années 80, un phénomène qu'on voyait plus souvent, puis on n'a plus revu ça. C'est la radio qui allume en pleine nuit à pleine tête. Il y a beaucoup de monde que j'ai connu, ça leur est arrivé, ça m'est arrivé quand j'étais enfant. En pleine nuit, la musique à pleine tête dans la maison, puis c'est la radio qui est ouverte. Mais depuis les changements de technologie, puis le type de technologie qu'on a, le phénomène, je ne l'ai plus jamais revu. Donc, ça dépend de la sensibilité là, des appareils, des supports, on dirait. C'est comme les ampoules fluo compactes, là, que c'est comme des petits néons blancs, là. Ça, j'ai jamais vu ça crépiter à cause de comme on décrivait, là. Ça prend une vraie ampoule, comme on a toujours eu, là, avec un filament. C'est plus sensible, c'est plus fragile. De la même façon que je m'étais rendu compte que, en passant sous des lampadaires, je les éteignais, je m'étais rendu compte que c'est certains lampadaires qui ont une fragilité. Ils sont plus sensibles, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a de l'humidité dedans, je ne sais pas. Mais il y a des lampadaires avec lesquels ça marche, puis d'autres avec lesquels ça ne marche pas. Donc, puis ça n'a pas l'air tant que sous le type de lampadaire, là, ça peut être un, juste un sur une rue qui en a plusieurs. Puis à force de faire des expériences, je m'étais rendu compte qu'il y a des lampadaires plus sensibles que d'autres. Mais c'est comme les individus. On va dire que certaines personnes sont médiums alors que d'autres n'ont pas nécessairement les mêmes facultés, en tout cas de la même ampleur. Ouais, mais dans le fond, on l'est tout. Oui, c'est cela que j'allais en venir. On est tous à un certain niveau. Mais pour ce qui est de l'expérience des lampadaires, parce que ça m'est déjà arrivé, plein de personnes aussi de mon environnement, on passe en dessous d'un lampadaire et il va se mettre à s'éteindre. Ouais, ben, il y a une modification dans l'électro. C'est pas encore là. On émet un champ électromagnétique, puis possiblement que ça crée une modification dans le courant. Mais il reste que. Je m'étais rendu compte à un moment donné que c'était le contraire, je les allumais. Tu sais, c'est des affaires que j'ai jamais trop. Mais j'ai fini par me rendre compte, l'humidité joue. J'en ai un ici, un lampadaire pas loin. Puis s'il fait humide, il allume pas. Mais un soir, j'étais comme pas de bonne humeur, puis il faisait noir, puis je le regardais, puis à un moment donné. Je veux carrément dire intérieurement, bon, ben, allume. Je veux qu'il allume. Puis là, je me suis mis à le voir commencer tranquillement. Une petite lumière à s'allumer, puis là, ça s'intensifiait. Puis finalement, j'ai dit, c'est un addon, ça. Fait que le lendemain, je l'ai refait, puis ça avait remarché encore. Le problème, moi, dans mon cas, c'est que souvent, je vais faire des expériences, puis une fois que je me rends compte qu'il y a un phénomène, ça s'arrête. Puis je suis plus capable de le reproduire. Comme si le but, c'était que je sache qu'il y a un phénomène, puis c'est tout. Donc, c'est un peu comme si dans nos expériences, ça va tout le temps nous faire un clin d'œil pour nous dire, ben, il y a quelque chose, mais ça ne va jamais se dévoiler. C'est ça qui me contrarie au fil du temps ou qui mérite, parce que ça fait plusieurs années que j'étudie en fait différentes expériences que j'ai vécues. J'ai cherché des explications à travers des livres, la lecture d'articles, le visionnement de documentaires aussi sur le web. Mais il y a toujours une dimension qui m'échappe et c'est la raison entre autres pourquoi que je te parle aujourd'hui. C'est pour bénéficier de ton éclairage là, sur ce type de phénomène. C'est comme si il y a des forces qui, à quelque part, ils veulent pas être dévoilées derrière ça. Ouais. Ben même par rapport à nous-mêmes, on est un petit peu sous le contrôle d'un moi qui est plus lucide un petit peu que l'ego psychologique. Puis lui, il va pas laisser l'ego psychologique tout savoir tout de suite, tout le temps. C'est dosé, il faut que ça soit dosé. Il y a des choses que je voulais savoir, puis ça m'a pris, ça s'est étiré sur une quinzaine d'années. J'aurais pu savoir tout de suite, ça aurait été correct, mais non, il fallait que ça soit dosé sur des années, puis des années. Mais bon, par après, je comprends mieux pourquoi il faut que ce soit comme ça. Parce que sinon, je serais parti en peur. Fait que finalement, c'est des choses, faut pas être impressionné. Donc, on les reçoit au compte-gouttes. Puis à un moment donné, ben, souvent, comme quelqu'un qui est rendu bien âgé, puis à un moment donné, il sait qu'il a pas mal fini parce que je pense que c'est quelqu'un qui avait été jeté aux fauves. C'est une vieille histoire qui avait été jetée à des fauves. C'est quelqu'un qui avait recherché. C'est une sorte de mystique mathématicien, puis il avait recherché la formule, si on peut dire, de Dieu toute sa vie. Puis à un moment donné, il est jeté aux fauves, puis il voit les taches d'un léopard, sur le dos du léopard, puis tout d'un coup, il trouve ce qu'il a cherché toute sa vie. La formule. Bon, ben, à ce moment-là, il sait qu'il va mourir. Hein. Donc, Il se l'est fait donner, là. autrement dit, la raison de sa vie, ce qui l'animait, c'était de trouver la formule. S'il la trouve, bien, sa vie a comme plus de sens sur le plan Ben physique. non. De toute façon, la vie n'a jamais de sens au sens où nous autres, on l'entend. C'était un peu, il y avait la même histoire. C'était un Chinois qui avait cherché toute sa vie une formule, puis à un moment donné, il voit le dos d'une tortue, puis il a sa clé, là, sa clé qu'il a cherché toute sa vie, puis là, il comprend tout l'univers. Ben, le bonhomme, il se doute bien qu'il vivra plus, là. Il en reste pas long. Mais si on l'avait, ça, Donc, autrement dit, c'est c'est sûr. en lien avec ce que tu me dis, c'est que si moi je comprends ce que je cherche, ben ma raison d'être de chercher n'est plus. Fait que c'est comme le sens de ma vie derrière ça, il y en aurait plus. Parce que comme nous autres, on est psychologique, fait qu'on essaie d'accomplir des choses, puis on a des buts. Mais dans le fond, le but, puis le vrai accomplissement, c'est le mouvement, puis c'est le parcours. C'est comme si tous les chemins mènent à Rome, mais c'est pas Rome qui est important, c'est le chemin. OK, ben c'est comme l'adage qui dit ce qui est important, c'est le voyage, le parcours que tu fais lorsque tu voyages et non pas la destination. Ben, c'est ça, on dit les voyages forment la jeunesse. Mais il n'y a jamais été question de destination spécifique. Là, une fois vieux, tu n'attends plus de voyager, c'est sûr. Mais il reste que c'est tout le temps comme ça, dans le sens que le parcours, c'est le parcours, dans le fond, qui fait la destination. C'est-à-dire que tous les chemins mènent à Rome, mais dépendamment le chemin que tu prends, tu n'arriveras pas dans le même état. Et là, on en revient à la notion d'expérience transformationnelle auquel je faisais allusion tantôt. C'est-à-dire, dans le parcours, si la personne vit une expérience de mort imminente, si elle vit une expérience de télékinésie, télépathie ou de contact avec les extraterrestres, bon, ben, ça amène une modification à travers elle qui fait d'elle une personne nouvelle. Moi, ben, il y a une illusion de. Parce que c'est ce qui n'était pas réel qui était transformé, c'est-à-dire la personnalité subjective expérimentale. Pour qu'il y ait une personne nouvelle, il faut que ça soit plus en profondeur que ça. Parce que là, quelqu'un qui arrête de croire à une chose pour croire à d'autres choses, c'est pas. Non, non, je comprends, c'est des limites, mais en tout cas, je l'attendais dans un sens transformationnel, là. C'est sûr, dans une optique, une transformation intérieure, là, vaste, là, mais c'est sûr que c'est à différents niveaux. Puis bon, certaines personnes sont comme plus superficielles ou justement qui passent d'une forme à l'autre, d'une croyance à l'autre. Moi, je l'entendais dans un changement vibratoire fondamental de la personne. Ben, il y en a de ça et tout, c'est pour ça qu'il y en a, ils se ramassent à Pinel. Ça en est des changements vibratoires, mais là, est-ce que c'est souhaitable? Ça peut être dangereux. Même les expériences qu'on considère comme vraiment, disons, on tient ça en haute estime, puis bon. Finalement, c'est pas une mauvaise chose, même pendant un parcours, pendant un chemin, de mettre ça en parenthèse, puis de dire, OK, je vais prendre une pause, puis je le regarde. Je le regarde objectivement, puis. Parce que sinon, comment je pourrais dire ça? C'est comme partir en voyage en s'enfermant dans la cale du bateau. À un moment donné, il faut se promener, il faut la regarder, l'expérience. C'est comme, bon, ce qui me fait le plus peur, moi, c'est des choses comme ça, dans le sens que la personne est persuadée qu'elle a découvert quelque chose, puis finalement, c'est une illusion. C'est ça, moi, qui me fait le plus peur. C'est pour ça que j'ai pas le choix de rester sceptique, que je peux pas croire à rien, que je me suis jamais garroché dans rien. Parce que ça m'inquiète. Ça me fait peur. On en voit là, des dérives, il y en a tout le temps. Puis, je sais pas, quand je regarde après les dégâts de ça, puis finalement, des fois, la personne, c'est sa programmation de finir, de mal finir. Mais il reste que. On vient qu'on se méfie. On se méfie. C'est pour ça que tout ce qui vient de l'invisible, ou tout ce qui vient, les petits clins d'œil qu'on peut me faire, puis je vois tout le temps le regarder en parenthèse pareil. Je peux pas. C'est trop dangereux de croire à. Non, non, c'est ça, pour pas sombrer dans la fascination, puis dans le délire en lien avec ça, et ainsi de suite. Une Ouais, autre. puis en plus, c'est insidieux, on s'en rend pas compte. Parce que, bon, il y a des affaires qui se passent dernièrement, je regarde ça, puis le monde, ils s'en rendaient pas compte. Même des fois, c'est sur des années. Il y a quelqu'un qui faisait des projets, puis qui était idéaliste, qui flyait pas mal, puis que je connais par personne interposée. Puis moi, je dis, il comprend pas. Dans le fond, comment ça marche, puis tout, puis ça va mal finir, ça. Ça n'a pas le choix. Parce qu'il est dans des. Il est parti, il fly, il est dans des affaires qu'il croit. Ça n'a même pas rapport, il ne comprend pas le contexte. Là, finalement, je le retrouve cette personne-là hier dans le journal. Il s'est fait arrêter par la police. Puis c'était prévisible. J'avais dit que c'est ça qui arriverait des années d'avance. Mais la personne qui le vit, elle ne voit pas. Je veux dire, c'est cher payé, là. Non, c'est ça, la personne n'a pas nécessairement le recul critique par rapport à son Ben, vécu ou l'entourage qui lui permet de même voir là, clair. ben même si tu essaies de dire, regarde, là, tu te trompes, puis ça va mal finir ton affaire, ce qui va arriver, c'est que la personne, elle va te rejeter pour que tu fasses plus partie de son entourage, puis elle va continuer dans son affaire. Il n'y a rien de plus dangereux. C'est pour ça que c'est mieux des fois d'être dans une espèce de stase que tu es en observation, puis tu as l'air d'accomplir rien. Que de partir en peur dans quelque chose qu'on trouve créatif, puis qu'on pense qu'on construit quelque chose, puis finalement c'est une utopie qui va s'effondrer. Oui, il y a des gens qui sont trop impulsifs, qui se garochent dans des projets, puis ont des visions, puis finalement, c'est pas nécessairement rentable, Ben ce non, qu'ils veulent ben c'est mettre en surtout place. parce que c'est pas réaliste. Comme dans les dernières années, il y en a beaucoup qui ont parlé de micro-sociétés, des affaires dans la même. Puis au lieu de s'intégrer, de s'intéresser à ce qui a rapport avec la dynamique de survie d'une collectivité, puis les logiques de base de survie d'une collectivité, sont dans des affaires de philosophie transcendante, puis de construire des architectures créatives nouvelles, puis des affaires que finalement, c'est pas pragmatique. C'est pas réaliste. Ça fait des utopies. Ça s'effondre tout le temps d'un coup. Mais des fois, ça va être construit pendant 15, 20, 30, 40 ans Oh oui, il pour y a des gens qui sont s'effondrer. déconnectés de la réalité, puis à un moment donné, ils vivent le choc du retour du réel, puis des fois, ça fait mal parce qu'il y a des faillites financières là, Ben oui. qui se À ce produisent. moment-là, dans le fond, le but de tout ça, si on met un but, si on regarde par le résultat, c'était quoi le but? Ben, le but de tout ça, c'était de réaliser qu'il était naïf. Mais c'est cher payé, là. Moi, je trouve que c'est trop cher payé. Dans le sens que, après, le monde, c'est la fin de leur vie, là. Il y en a qui, après, psychologiquement, ils ont de la misère. Comme il y en a des affaires qui tombent ces temps-ci. Puis je voyais même pas ça comme des affaires de même. Puis finalement, je regarde ça, puis là, je regarde les dommages chez les gens qui restent, puis qui sont sortis de ça. Ils sont dépressifs, sont suicidaires. Il y en a, ils retombent, qui avaient des dépendances, ils retombent dedans. Fait que finalement, Ils ont de la polarité, assez liée à de la polarité. Fait que, ils ont vu quelque chose qu'ils pensaient qui était bien, puis qui allait sauver des choses, puis finalement, ils se sont enlignés vers de quelque chose de mal qui allait les ramener dans le trou. Ils ont été piégés par leur naïveté. Ben, c'est tout le temps de même. Dans le fond, la naïveté, c'est quoi? C'est ce qui fait que le poisson, il pense que la pousse est une proie vivante. C'est ça, la naïveté. Dans le fond, c'est-tu le pêcheur qui est pas fin? C'est-tu... Non, ça n'a rien à voir. Mais il risque... Toi, que le pêcheur il a l'intention d'attraper le poisson, puis de le manipuler, puis d'utiliser l'appât pour l'amener dans une direction, là. Ouais, mais dans le fond, c'est pas le pêcheur qui est dangereux. C'est les lacunes du poisson. Parce qu'il voit pas clair par rapport à ça. Ben c'est ça. Le pêcheur, lui, il obéit à sa nature. Il est ni bon ni mauvais. C'est un contexte comme ça. Fait que, en tout cas, moi, je vais devoir te laisser, là. Oui, pour compléter cet enregistrement qui portait sur la démystification du vécu paranormal, aujourd'hui j'ai visé à aborder avec toi là, différentes expériences que j'ai vécues. C'est sûr qu'il y a peut-être des gens qui ont écouté que ça a fait écho là, à certaines choses qu'ils ont vécues également. En conclusion, par rapport à tout ça, de ce que je retiens de ton discours, c'est l'importance par rapport à tout ça, là, de faire preuve d'esprit critique et de scepticisme. Moi, ben, c'est ça, moi, ma conclusion, c'est que je conclus pas. Là. Dans le sens que on n'a pas assez d'éléments pour conclure. Fait que dans le doute, je vais pas, je vais jamais avoir une conviction fixe. Jamais, tu sais, quand on peut pas, bon. Fait que finalement, on peut pas contrôler tous les paramètres. Fait que finalement, ça reste des possibles, c'est des hypothèses. Bon, ben c'est bien correct. En terminant, je mentionne aux gens qui ont envie d'entendre davantage Berthold que tu as une chaîne YouTube. Donc, je leur rappelle que les coordonnées, là, on va les avoir en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui. Sinon, bien, c'est sûr que si vous avez apprécié cette entrevue que j'ai faite avec Berthold, eh bien, vous en avez plusieurs autres sur ma chaîne YouTube également. Et je mentionne de nouveau que vous avez beaucoup de matériel que j'ai fait là, depuis un peu plus de 5 ans là, sur le web. D'ailleurs, vous avez au-dessus de 600 enregistrements dans mon audiothèque et vous allez avoir un lien web là, qui figure là, par rapport à ça sur lequel vous pouvez cliquer pour accéder à tout ça. Donc, vous en avez pour plusieurs heures. Donc, c'est sûr que si vous avez apprécié cet enregistrement, et plus particulièrement mes activités de diffusion web, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière en soutien à mes activités via les services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal, dont vous allez avoir les informations à leur sujet en bas de cet enregistrement. Donc, encore une fois, Bertol, je te remercie pour cet entretien et je te dis à bientôt. Merci. Au revoir. Oui, au revoir.